Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr et Girondin33.com. On est ensemble jusqu'à 21h30 pendant une heure et demie pour parler de l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce soir, l'actualité va nous amener du côté, en partie, du côté de l'Ukraine à Mariupol où les... Enfin, c'était à Odessa plutôt, face à Mariupol où les Girondins hier se sont imposés 3-1 dans le match aller du deuxième tour préliminaire de l'Europa League. On va évidemment revenir sur ce match voilà, qui clairement nous ouvre à 99% les portes des barrages face à la Gantoise ou un club polonais obscur dont j'ai complètement oublié le nom. Et je sais qu'Enzo tu l'as pas non plus, donc c'est pour ça que je te demande même pas de mêler. On va également parler du transfert qui a été officialisé cet après-midi. C'était un secret pour personne. Jimmy Briand s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec les Marinés Blancs. L'attaquant de 33 ans qui évolue à Guingamp l'an passé a été présenté ce matin ou ce midi, je sais plus, cet après-midi. C'était cet après-midi, oui. Voilà, en conférence de presse. On aura avec nous en début d'émission le journaliste de 20 minutes que vous aviez déjà entendu deux, trois fois dans cette émission, Clément Carpentier, qui sera avec nous. Il était cet après-midi au Haillan à la conférence de presse. Il va pouvoir nous raconter un petit peu ce qui s'est dit et puis ce qu'a dit un petit peu Jimmy Briand. On reviendra aussi à travers ce transfert sur la petite polémique que ça a engendré avec Guingamp, voilà, qu'on avait soi-disant donné une parole mais qui n'a pas été tenue. En même temps, une parole, c'est pas un contrat, voilà. Donc on débattra un petit peu de ça. Pour vous, est-ce que Jimmy Briand a trahi sa parole face à Guingamp? En tout cas, Guingamp, ils l'ont mauvaise, hein, que ça soit Camboiré ou Bénézé. Je sais pas si t'as vu ce qu'il a fait Bénézé, il a allumé son barbecue avec le maillot de Briand. Ouais. Ah, c'était le maillot, j'ai pas fait gaffe, j'ai vu la vidéo mais j'ai pas réfléchi. Donc voilà, on va également parler, ça sera à 20h45, nous aurons avec nous je crois que c'est un supporter strasbourgeois. C'est ça, c'est un membre du site ou de la page Twitter de Au cœur du RCS. Voilà, qui nous racontera un petit peu l'intersaison strasbourgeoise pour nous parler du match de dimanche 17h, première journée de Ligue 1, les Girondins recevront le RC Strasbourg. On fera le point avec lui sur qu'est-ce qui va attendre les Girondins dimanche. On va les principaux mouvements de cette équipe strasbourgeoise. Et puis on terminera la dernière demi-heure en parlant de quoi ? En parlant de la situation actuelle de Paul Baïs. En revenant un petit peu aussi sur les transferts, parce qu'il n'y a pas eu, évidemment il y a eu Jimmy Briand officialisé, mais il n'y a pas eu Bazic. Jimmy Briand, il y a eu Bazic. Alors je sais pas si c'était officiel quand on a fait l'émission pas tout à l'heure, c'était fait quasiment mais c'était pas encore présenté. Voilà, entre temps ça a été officialisé, puis Stéphane Martin a lâché des petites infos, Cafou est parti en prêt, il y a eu des rumeurs sur voilà. Donc on va, il y a eu du nouveau sur Pedro aussi, enfin voilà, on va évidemment parler de tout ça. Ça sera dans la dernière demi-heure. On suivra également la quasi-intégralité des matchs de Ligue 2 du soir. La première mi-temps de Marseille-Toulouse, le coup d'envoi, c'est dans 40 minutes. Premier match de la première journée de Ligue. Hein. Moi, je t'avoue que j'ai parié sur un jeu... je sais plus, c'est un truc sur le jeu de SoFoot. SoFoot a lancé un petit jeu de paris aussi. Mais c'est pas un jeu de paris traditionnel. C'est vachement bien. C'est par journée... Par journée, pas par journée de Ligue 1, par jour, un jour normal, tu mises sur une équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, moi, je mise sur oui. Toulouse. Et après, tu as un système de points, de machin, tout ça. Pas de score, juste tu dis qu'il y a... Et je pense que, sincèrement, je pense que Toulouse peut faire un coup à Marseille, qu'il leur manque leur défense, ils ont Thauvin qui n'est pas là, enfin bref. À noter aussi quand même qu'on a lancé aussi notre jeu. Notre jeu de pronostic, vous pouvez retrouver sur la page Facebook de Girondin Analyse, je crois que sur G33 aussi. Vous pouvez participer à notre grand jeu de pronostics. Tout le monde peut participer. On est déjà plus de 130. Ah oui, c'est bien. C'est quand même intéressant, mais sachant qu'on l'a lancé un peu tardivement. On l'a lancé un peu tardivement. C'est ça, on a un peu. Et puis un système de classement, et puis on fera le point journée par journée, ou peut-être pas journée par journée, mais allez, tous les 5-10 matchs, voir à peu près qui se débrouille pas trop mal. Tiens, c'est parti en Ligue 2 depuis 2 minutes. Je n'oublie pas le chat. Bonsoir à vous, amis du chat, ça va arriver petit à petit, c'est en train d'arriver, ça va arriver petit à petit, bonsoir à vous. 20h, 21h30, on rappelle, nouvel horaire de Girondin Analyse, 20h, va falloir manger plus tôt et coucher les enfants plus tard. Et vous pouvez aussi nous appeler. Vous pouvez aussi nous joindre au 05 56 35 31 31 pour réagir aux divers sujets qui seront abordés ou parler d'autre chose si vous le souhaitez, mais de préférence dans le thème, ça serait quand même plus simple pour nous. On rappelle évidemment que quand on a un invité au téléphone, ne nous appelez pas parce qu'on n'a pas les moyens de prendre deux personnes au téléphone en même temps. Donc bonsoir à vous, amis du chat. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoute, non, on est pas mal, mon petit Enzo. On a avec moi ce soir, voilà, nous sommes deux pour l'instant, bientôt trois. On attend Adrien. On attend des triplés. Ça va Enzo? Ouais, ça va nickel. Ça va, l'été se passe bien, le boulot, ça va. Ouais, ça va, ça va. Je viens de percuter, quel est ce petit t-shirt, le coq sportif bleu, blanc, rouge? Serait-ce un maillot de tennis? Ouais, c'est l'édition qu'ils avaient sorti pour la coupe Davis, non? Ouais, c'est ça, que Gasquet porte souvent et que j'ai vraiment adoré. Alors bon, c'est bien, mais ils ont été un peu glands parce que moi, de eux, le bleu, je le mettais en haut et le rouge en bas. Là, ça fait un peu la Hollande, quoi. Mais non, parce que quand tu le vois comme ça, quand t'es en face, tu vois pas pareil. Enfin, moi, je suis en face de toi, je vois rouge, blanc, bleu. Hein. Je vois pas bleu, blanc, rouge. Oui. Je vois bleu, blanc, rouge, mais de bas en haut, c'est chelou. Oui, oui, oui, mais bon, ça dépend. C'est le coq. Ouais, voilà. Oh non, ça me rappelle un sketch de Danny Boone, c'est pas grave. Où il fait de la gonflette et qu'il a sa veste de surface, le coq. Le coq. Je t'avoue que moi, je regarde pas trop les trucs comme ça. C'est vieux, hein. Ça a 20 ans. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien. On va pouvoir donc enchaîner directement sur. Oui, donc Adrien va pas tarder à arriver. C'est ça. Petit à petit. Rémi devait être là aussi. Une pensée pour Rémi le pauvre. Il a mal au dos. Il est tout cassé. Il est tout cassé, le bonhomme. il est tout cassé. Donc, bon courage à toi, camarade. Remets-toi bien. Et puis à lundi, avec un peu de chance. Voili voilou. On va. Le texto est parti. C'est ça. Parfait. À noter aussi qu'on n'en avait pas parlé aussi. Il y a aussi ce qu'avait fait le club pour toutes les personnes nées en 96. On n'en avait pas parlé, c'est ça? Oui, le club. Alors oui, le club avait fait cadeau un maillot à tous les jeunes qui s'abonnaient, qui étaient nés en 96 et qui s'abonnaient cette année. Alors, on va pas vous mentir, on va pas vous jouer de la flûte. Nous ne ferons pas la même chose. On n'a pas les moyens de faire la même chose, clairement. Mais moi, j'avais trouvé ça plutôt sympa comme initiative de la part du club d'offrir un maillot à tous les jeunes. Alors, il y avait des conditions. C'était toutes les personnes, je crois, qui étaient nées en première partie de... Oui, parce qu'il fallait pas que ça leur coûte trop non plus. Bah, mais c'est ça. Mais voilà, moi, j'avais trouvé ça plutôt sympa pour une fois que le club offre autre chose qu'un porte-clés ou un stylo. C'était plutôt sympa. Allez, on va attaquer directement... dans le vif, par l'actualité du jour, et pour ça, on a au téléphone Clément Carpentier. Bonsoir Clément. Bonjour les gars, bonsoir. Comment ça va Clément? Très bien, bah, très bien, très bien. Tout s'accélère, donc tout va très bien. Ouais, tout va vite là. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Tu étais déjà avec nous. Alors pour ceux qui prennent l'émission pour la première fois, tu étais avec nous il y a quoi? C'était la semaine dernière, petite dizaine de jours. Ouais, ça y est, je suis un habitué maintenant. Je vais venir à peu près toutes les semaines. Tu vas voir, ouais. Alors au bout de 10 participations, tu as une participation gratuite. C'est cadeau. Ah voilà, bah ouais, c'est ce que j'espérais. Donc voilà. C'est pour nous, c'est cadeau. Très bien. Alors Clément. Tu as pu assister cet après-midi à la conférence de presse donnée par Stéphane Martin en présence évidemment de... J'ai déjà bouffé son nom. De Alors, Jimmy Briand. Pour info d'ailleurs, monsieur Stéphane Martin, donc le président des Girondins, n'était pas là cet après-midi. Il était en déplacement. Peut-être parti chercher sa nouvelle recrue, son grand attaquant, comme on dit. Il n'y a pas qu'à l'OM qu'on cherche un grand attaquant, il y a aussi aux Girondins de Bordeaux. Donc voilà. Mais Stéphane Martin n'était pas là cet après-midi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a présenté le petit bachiche ce matin, parce que ça se dit bien comme ça. Bachiche, voilà, je crois. Et il l'a présenté ce matin, mais cet après-midi, il pouvait pas être là pour Jimmy Briand. Donc voilà. Mais en tout cas, ça s'est parfaitement déroulé, la conférence de presse. C'était Ulrich Ramé qui l'a remplacé. D'ailleurs, Ulrich Ramé qui était là aussi ce matin. C'est étonnant. Ce qui est un peu bizarre, il a déjà été là lors de certains arrivées de joueurs, mais c'est vrai que c'est à noter. Peut-être qu'il a reçu une tape amicale de Joseph Dagrossa hier dans le dos pour le confirmer à son poste. On ne sait pas, mais en tout cas, il était présent ce matin. Et peut-être que Dagrossa lui a dit « profites-en bien ». C'est ça. Non, après, peut-être c'était peut-être tout simplement parce que c'est un joueur qui a été suivi depuis 2 ans, comme l'a expliqué Ulrich Ramé, le jeune croate, par la cellule de recrutement. Donc c'est quand même un recrutement vraiment qui vient de la cellule. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Ulrich était là et que le club souhaite le mettre un peu en avant sur certaines recrues du club, tout simplement. Alors, Jimmy Briand, on va commencer, t'as raison, on va commencer par celui qui est arrivé avant Jimmy Briand. Parce qu'il me semble que quand on t'avait eu au téléphone, c'était pas encore fait cette affaire. Oui, allô? Ouais, tu nous entends? Allô. Allô, allô. Oui. Allô, allô. Ouais, tu nous entends, Clément? Ah, allô. Problème de téléphone, faut bouger. Allô. Oui, Clément. Allô. Ah, je vous ai perdu. Ah ben nous, on t'entend bien. Je vais vous rappeler. Ouais, ça marche. Voilà, les aléas du direct, j'adore. C'est vrai que c'est quand même étonnant. Ramé qu'on voit jamais, d'un coup on le voit dans deux conférences de presse d'affilée. C'est vrai que c'est pas non plus tous les jours qu'on a ça. Oui, c'est vrai que enfin, surtout si tu veux faire parler un mec, je veux dire, c'est surtout pas Ramé qu'il faut quoi. Ouais, étonnamment, il a quand même bien parlé. Hein. Alors voilà, hop, Clément nous rappelle. On va le repasser de suite. Petit problème de téléphone. Voilà, ce sont les aléas du direct. Hop là. Clément, tu es là, tu es revenu. Oui, je suis revenu. Oui, on t'entendait bien, mais toi, visiblement, tu nous entendais plus. Ah non, moi, je vous entendais plus. Plus du tout. Voilà. Donc, alors, j'ai évité de bouger. Ouais, tu bouges plus. Bien. Tu restes ouais, comme t'es. C'est ça. Alors, oui, on disait, la dernière fois que t'étais intervenu, je sais plus, Basile, c'était officiellement. C'était il y a longtemps quand même qu'il est passé, Clément. Ouais, oui, c'est passé quand même pas mal de choses depuis. Du rachat du club, c'était au moment du rachat du club, l'officialisation, on va dire, le vendredi, l'officialisation, je crois. Donc le petit Bazic a été présenté aussi cet après-midi ouf, C'est ça, il tout a à fait. Été, alors, on nous le présente comment? Comme un jeune espoir, comme un... Oui, un jeune espoir sur le club, sur lequel le club va miser. Alors j'ai essayé de poser la question à Stéphane Martin... ce matin, du coup, lors de sa présentation, si par exemple Bazic représentait plus ou moins un symbole de la nouvelle politique du club, bon, il est resté quand même assez évasif là-dessus. Donc, pour l'instant, on ne valide toujours pas le projet lillois qui débarquerait à Bordeaux. Donc voilà, c'est la même formule, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un jeune joueur prometteur avec une possible forte revente derrière, on va dire. Donc voilà, joueur assez intéressant, qui a l'air plutôt intelligent, qui parle bien déjà. Pour un footballeur, c'est toujours intéressant, qu'il y a des choses à raconter. Donc voilà, à l'entraînement, il avait l'air déjà plus ou moins à l'aise. Après, son agent était quand même surpris par le niveau. Donc voilà, il s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait autant de différence de niveau entre le championnat croate et le championnat français. Donc il faudra voir aussi comment s'acclimate ce jeune joueur, on va dire. Quand tu dis qu'il parle bien, on est d'accord qu'il parle pas français, hein. Il parle pas français, mais ouais, il parlait un peu près anglais, et surtout il a fait l'effort de faire des phrases, de réagir. Il a même réagi à un moment donné quand il s'est fait taquiner sur le fait qu'il était dans le pays des champions du monde maintenant. Et puis des perdants. Donc voilà, non, il est vraiment très sympa, et on sent le garçon bien éduqué, bien dans sa tête surtout. Donc pour un jeune joueur de foot, c'est quand même toujours intéressant, on va dire, surtout seulement 21 ans, je crois. Et puis l'intégration va peut-être être facilitée par, je pense notamment à Milan Gajic, qui peut peut-être... Oui, exactement, ouais. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'assez à l'aise, qui a confiance en lui, donc je pense qu'il, si il a la chance de jouer assez rapidement, il peut se faire sa place dans cette équipe. À noter qu'il c'est pas vraiment, il nous a dit qu'il n'était pas vraiment un numéro 6, hein, mais plutôt un numéro 8, on va dire, voire peut-être un numéro 10. Donc voilà, donc faudra voir un peu où il joue aussi sur le terrain, on va dire ça comme ça. Mais il n'y aura pas d'autres recrues au milieu de terrain, apparemment. D'accord. Stéphane Martin, quoi. On nous l'a vendu avec un très bon pied gauche, apparemment. Alors je t'avoue que j'ai pas vu encore sur l'entraînement. J'ai vu que certaines vidéos, c'était incroyable. C'est ça, il tire, il a un très bon pied gauche. Je l'ai vu d'ailleurs cet après-midi à l'entraînement ensuite. C'est vrai qu'il a une bonne frappe, une bonne qualité du pied gauche. Il tire les coups francs à la Cristiano Ronaldo, comme c'est ce qu'il a dit, oui. Voilà, c'est ça. C'est un bon exemple, on va lui souhaiter la même réussite évidemment. Mais non, il a fait bonne impression en tout cas ce jeune, en tout cas pas du tout la grosse tête, vraiment très sympa, qui vient juste pour prouver, pour voir s'il a le niveau de la Ligue 1 et de passer une étape supérieure dans sa carrière, donc plutôt intéressant. En plus j'ai vu que des gros clubs européens s'étaient renseignés à une période sur lui. Donc c'est que quand même ça doit être solide, on va dire. Mais ça, je sais pas ce que t'en penses, Clément. Moi j'ai trouvé un peu, enfin rien qu'en voyant les vidéos, après j'ai pas pu voir plus, il me faisait un peu penser dans le style de Rabiot. Oui c'est vrai que il a des très grandes jambes. C'est vrai que c'est une remarque qu'on s'est fait cet après-midi au bord de la pelouse. C'est un joueur qui a des très longues jambes, longues on va dire, et assez fines. Et c'est vrai qu'il peut dans le style faire penser à Adrien Rabiot, quoi. Après moi je l'ai jamais vu vraiment sur un terrain en plein match et tout ça et tout. Donc j'ai plutôt vu des actions de lui. Mais c'est vrai qu'il a un peu ce style-là. Il est gaucher en plus comme Adrien Rabiot. Donc c'est vrai qu'il y a des ressemblances. Donc il faudra voir sur les matchs qui vont venir un peu ce que ça donne, on va dire ça, au milieu de terrain, quoi. Et puis si enfin on a trouvé un mec qui s'est tapé un coup franc depuis Casri, on a personne qui s'est levé un ballon sur un coup de pied arrêté. Ouais. Bah, Malcolm se débrouillait pas trop. Oui, mal, il y avait Malcolm. Il était un peu le seul. Il était un peu le seul, on va dire ça comme ça, parce que le problème de Préville, par exemple, c'est qu'il les tire pas trop mal, mais sauf que c'est une fois sur 10, donc c'est un peu compliqué, on va dire. Et c'est surtout que si c'est lui qui le tire, il peut pas être à la réception. Voilà, c'est ça. Mais bon. En même temps, même quand il est à la réception, ça finit pas souvent au fond. Donc, oui. Alors, ça, c'était pour le cas Bazic, on va dire. Ouais. Est venu ensuite le tour. Enfin, je sais pas dans quel ordre ça s'est fait, mais... Oui, c'est ça, voilà. De Jimmy Briand cet après-midi. Bah, dans l'ordre des officialisations aussi, quoi, on va dire. Donc, alors, on a le droit de Jimmy Briand. Briand, comment on nous l'a vendu? On nous l'a vendu comme un titulaire, comme un mec qui sera là pour encadrer les jeunes, je suppose, devant, et puis partir. De ce qu'on a compris, c'est pas le neuf que Bordeaux cherche. Ça, c'est, voilà. C'est clair et net, hein. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai ces informations-là aussi. Ce n'est pas du tout le neuf que cherche Bordeaux. C'est un complément, on va dire une opportunité de marché, surtout. Mais bon, c'est une sacrée opportunité de marché, hein. Même si moi, je vois que beaucoup de supporters bordelais grognent contre son recrutement. Mais moi, excusez-moi, Jimmy Briand, c'est 100 buts en 400 matchs de Ligue 1. Ouais, des joueurs comme ça, il n'y en a quand même pas partout, surtout à 0 euros, on va dire ça comme ça. Donc, et surtout, c'est quelqu'un dans un vestiaire, je pense, qui est, comme tu dis, pour encadrer les jeunes, et vraiment une bonne personne, quoi. Et pour le coup, je vous conseille de venir le voir à l'entraînement, parce que papy, il a peut-être 33 ans, mais je peux vous dire qu'il a enlevé quelques toiles d'araignée des lucarnes cet après-midi, déjà des premiers entraînements. Mais il a fait deux excellentes saisons avec Guingamp, et il est fort à parier que s'il n'avait pas été aussi performant, Guingamp, je pense, je sais pas s'il serait encore en Ligue 1, parce que franchement, il aura sauvé les miches depuis deux ans. Ouais, c'est vrai qu'on critique beaucoup, qu'on voit son âge avancer, tout ça, mais il ne faut pas oublier que c'est un joueur quand même qui a été international français, oui. Qui situe un peu son niveau. Et que en complément, c'est sûr qu'en attaquant numéro 9 pour un club comme Bordeaux qui devrait peut-être jouer la Ligue Europa, ça serait très compliqué. Mais en joueur de complément, excusez-moi, mais pour moi aujourd'hui, c'est quand même encore un peu mieux de Préville et surtout de Gaëtan Laborde. Donc il y a pas de malentendu. Jimmy Briand sait qu'il ne sera pas, bon, en même temps déjà à 33 ans titulaire pour c'est compliqué, mais ça lui a été vendu comme ça, je veux dire, on lui a pas vendu du rêve. Non, mais il le sait de toute façon, Jimmy Briand à 33 ans, il sait très bien qu'il va pas déjà de trouver une opportunité comme Bordeaux pour lui à 33 ans et en plus un club qui va peut-être jouer la Coupe d'Europe, parce que on sait pas, mais c'est quand même une grosse différence par rapport à un club comme Guingamp quand même qui joue le maintien pratiquement tous les ans. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais Jimmy Briand, il sait très bien qu'il sera pas le titulaire. Après le club, il faut qu'il trouve un attaquant et qu'il mette l'argent aussi dessus, quoi. Donc voilà, hein, c'est aussi une autre donnée à prendre en compte, hein. Donc voilà, mais je trouve que Briand est un très bon recrutement, ou en tout cas une bonne opportunité de marché. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1. Et il l'a dit lui-même, il a eu beaucoup d'offres d'ailleurs. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui auraient aimé le signer pour la saison, quoi. On va dire. Alors, ça comme ça, quoi. On reviendra plus tard dans l'émission sur le petit bisbille avec Guingamp, sur il nous avait dit. Bon, honnêtement, je pense que les Guingampais, alors qu'ils le prennent mal, je peux le comprendre. Après, Jimmy Briand, voilà, comme tu dis, il a l'opportunité de venir dans un club qui a joué l'Europa League. Il n'y a pas à réfléchir 107 ans, quoi. Non, mais en plus, c'est plus une histoire personnelle qui s'est passée dans le club, qui faisait qu'il ne pouvait plus rester au club. Et c'est dommage que l'entraîneur, déjà, c'est extrêmement dommage, quelqu'un qui doit montrer l'exemple, qui dit que Jimmy Briand est un ennemi. Ouais. Un ennemi, il faudrait peut-être qu'il choisisse son vocabulaire. En fin de compte, Boiret, j'ai pas de leçon à lui donner, mais je trouve que c'est pas bonne image renvoyée par un entraîneur de foot, on va dire ça comme ça. Je suis d'accord, c'est un petit peu limite de la part, surtout de Comboiré, qui nous a pas habitué à ce genre exactement. De et puis après c'est ses ex-coéquipiers qui commencent à réagir sur les réseaux sociaux, ça aussi c'est un peu petit. Comme il l'a dit, Jimmy Briand, il s'excuse s'il a déçu des gens, que lui il a passé des excellents moments à Guingamp et qu'il en garde que du positif, mais que après c'est le football et c'est la vie, comme il a conclu sa conférence de presse, c'est la vie. Donc voilà, après chacun va où il veut, tant qu'il n'y a pas de contraintes. Là il y avait un accord moral peut-être avec le club, déjà il faudrait savoir ce qu'il en retourne exactement quand on a cet accord moral. Et puis après Jimmy Briand, il a le droit aussi de continuer sa carrière, hein. Il a que 33 ans, hein, de toute façon, hein. C'est pas non plus un joueur en fin de carrière, on va dire ça comme ça. Voilà pour la partie transfert. Un petit mot quand même rapidement avec toi pour que tu nous donnes ton avis sur ce qui s'est passé hier et sur ce que nous attend dimanche rapidement. Je pense que t'as vu le match. Alors moi j'ai été un peu moins sévère que ce que j'ai vu. J'ai trouvé que bon, dans les 20 premières minutes, ils ont été vraiment très en difficulté défensivement. Mais ça c'est pas une nouveauté, hein. Ils sont quand même un peu légers au niveau défensif, même si Koundé et Pablo font le job, mais je trouve qu'ils sont souvent pris dans leur dos notamment. Donc il faudra réajuster tout ça au fil des matchs, on va dire. Et puis après, dans le jeu, par contre, moi je les ai trouvés encore plus à l'aise que contre Ventspils, je crois. Moi j'ai trouvé ce qui m'intéresse dans cette équipe de Bordeaux, c'est que je trouve qu'il y a du lien en fait entre les joueurs. Parce que c'est des joueurs qui commencent à jouer ensemble, qui jouent ensemble maintenant depuis un petit bout de temps, tout de même. On sent qu'il y a du lien, et moi c'est ce qui m'intéresse dans une équipe de foot, c'est de voir si les joueurs jouent les uns pour les autres, quoi. Alors après, c'est sûr, vous allez me dire, il manque de talent. Ça c'est clair et net. Aujourd'hui, il n'y a plus Malcolm. Il n'y a pas un joueur pour créer la passe décisive ou ce genre de décision dans le match. Quoique Camano sur le premier but hier, il fait une passe extraordinaire, une passe cachée à Youssouf Sankaré qui lui aussi derrière régale, il fait deux passes, c'est cadeau Sankaré. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. Donc voilà, mais moi ce qui je trouve qui est intéressant, c'est qu'il y a du lien entre les joueurs. On sent aussi ce qui est intéressant, c'est de mettre des gamins qui ont joué ensemble depuis quelques années. On sent qu'entre eux, ils s'entendent aussi très très bien. Ils montent en puissance. Après, ça reste Mariupol en face. Et il faudra voir aussi face au niveau de la Liga. D'ailleurs, c'est ce que Gustavo Poyet a dit cet après-midi. Oui, les jeunes, c'est très bien ce qu'ils font. Je savais qu'ils avaient le niveau. Mais attention, là, on va jouer contre des clubs de Ligue 1, contre des vieux, des mecs qui ont l'habitude de ce niveau-là. Faudra voir comment ils s'en sortent, quoi. Pour moi, c'est un avantage tout de même d'avoir fait ces tours préliminaires de Ligue Europa. Tout simplement parce que je pense que les joueurs, ils y sont au niveau du rythme. Alors que quand vous faites des matchs amicaux, c'est quand même bien différent. Et Strasbourg, on n'a fait que des matchs amicaux. Donc même s'il y en a qui avancent déjà la fatigue, le retour à 2h du matin, bon déjà si on commence à dire ça le 10 août, oui. Autant arrêter la saison tout de suite. Voilà, exactement. Non, c'est intéressant. Moi je pense que ils sont mieux dans le rythme. Après, il faudra voir au fil de la rencontre. Je ne sais pas en plus quelle température ils vont faire dimanche. Je suis assez confiant pour dimanche, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, on est sûr et certain, alors ça, ce qui est bien avec Gustavo Pouillet, c'est que on connaît sa franchise, on est sûr et certain, normalement, que Gaëtan Laborde débutera le match. Hein. Donc, puisque, comme il dit, il a mis deux buts hier, donc je vois pas pourquoi je le remplacerai. On verra bien. Question, réaction, réactivité totale dans cette émission, Clément. Dimanche, sur les alentours, entre 15h et 18h, il devrait faire 31 degrés. Exactement. Ça va être chaud quand même. Température assez chaude, on va dire. Donc, faudra voir aussi les organismes. Mais bon, ça sera la même chose aussi pour les Strasbourgeois, hein, on va dire entre guillemets. Donc, après, ça sera une donnée à prendre en compte. Mais moi, je pense que le fait d'avoir fait ces matchs avec un rythme quand même qui reste assez élevé, hein, c'est des matchs de compétition officielle. Ça peut être plutôt un avantage qu'un désavantage, la fatigue du voyage et tralala, quoi. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Je suis assez confiant pour dimanche. Un petit prono ? Ouais, un petit prono pour demain, pour dimanche. Un petit prono. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils prennent toujours un but par match en ce moment. Ouais. À part le premier match, donc c'est un peu embêtant. J'hésite toujours à... Mais bon, je sais pas, je vois bien le... En même temps, je ne suis pas trop penché sur l'équipe de Strasbourg. Je suppose que vous allez faire pendant la suite de l'émission. Exactement. Donc voilà. Dans 20 minutes. J'ai pas trop regardé en plus leur recrutement et tout ça. Mais je pense que soit un petit 2-0 pour Bordeaux ou 3-1, on va dire ça comme ça. Je sens que cette équipe peut mettre des buts en tout cas. Donc, après, il risque de museler François Camano déjà. En tout cas, on te le souhaite. Ouais, voilà, exactement. Je suis plutôt positif sur ce match-là. Et puis comme il dit Gustavo Poyet, on sent qu'aujourd'hui il a quand même créé un groupe. Même s'il y en a évidemment avec qui c'est très compliqué, on va dire ça comme ça, on sent quand même qu'il a créé un groupe et qu'il y a quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi cette équipe, quand elle est menée au score, maintenant, aujourd'hui, elle réagit. Mmh. Ce qui n'était pas du tout le cas sous Jocelyn Gourvennec. Et ça change quand même beaucoup de choses, quoi. Quand on est un entraîneur, ou même au niveau de la psychologie des joueurs pendant le match, quoi. Donc, je suis plutôt confiant, je vois bien un petit 3, on va dire ça comme ça. Écoute, on verra dimanche, coup d'envoi 17h. Merci beaucoup Clément, on te retrouve dans 20 minutes. Exactement. Papier et internet, je pense que tu fais les deux. Ouais, on va se retrouver surtout pour le nouvel attaquant, on verra bien. Et on se retrouve on te retrouve pour le nouvel attaquant, peut-être des départs, des nouvelles arrivées, plein de choses, une qualif pour Gaël. Il va y avoir encore plein de choses et voilà, exactement. On va surtout souhaiter une qualification pour le prochain tour de Ligue Europa, ouais. Ce qui sera déjà une bonne chose de faite dans le début de saison, on va dire. C'est le vrai objectif de ouais. Ce début de saison, c'est surtout c'est de ça. Se qualifier en Europa League. Après, le championnat, bon, on fera ce qu'on pourra. Après, il faudra voir. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci vraiment, Clément. Merci à toi. Merci, bonne soirée. Ciao. Ciao. Hop là, sympa, Clément. Pardon. Comme à chaque fois. Sympa, Clément Carpentier. Attends, Adrien, j'allume ton micro. Salut, Adrien. Bonsoir. Bonsoir, ça va? J'ai eu un problème avec mon VTC. Non. Bonjour, madame Adrien. Madame mère. Alors, les enfants, on va terminer. On a. Oula, je pensais qu'on ferait moins long. On va essayer de. Ah, bah non, on a jusqu'à moins le quart. Pouh, on est large. On a le temps, on est large. On a jusqu'à moins le quart avant de parler de Strasbourg. Donc, je vous disais. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc on avait dit quoi là? Mariupol. C'est ça. Ouais, je suis perdu complètement parce que je vois que ça score pas mal en Ligue 2 après 20 minutes de jeu, il y a déjà pas mal de buts. À noter. De qui? Non, c'est pas des c'est juste des joueurs qu'on a prêté qui jouent. Oui. Alors on a ça c'est pas un joueur qu'on a prêté mais c'est un ancien joueur, c'est Olivier Verdon. Donc Olivier Verdon qu'on a lâché là cet été. Ah oui, tout à fait, il est en train de jouer avec Sochaux là. D'accord. Les titulaires. Et après, avec Auxerre, c'est la première titularisation de la saison pour Mancini. Donc, Mancini qui joue là en numéro 6. Donc, c'est plutôt intéressant. Et en espérant qu'il va gagner du temps de jeu. En 6. Merci, Enzo. On enchaîne donc pour parler de Mariupol avec celui qui sort du boulot. Oui, parce que même le vendredi, il travaille très très tard. Ça va, Marco? Bonsoir, messieurs. Comment ça va, mon petit? Ben ça va, j'espère que Adrien est sur le podcast. Bon, comment ça va? Normalement c'est lancé. Alors Marc, c'est la bonne nouvelle. Je tiens quand même, alors je te l'ai dit hier par texto, mais je tiens à le dire quand même. Faut savoir que Marc, il passe sur RMC dans l'after, dans les émissions sport à peu près 98 fois par an. Et jamais, à chaque fois je lui envoie un texto, je dis Marc, pense à placer un mot sur l'émission, et à chaque fois il oubliait. Et là hier, miracle. Dieu m'a entendu. Marc a placé un mot sur l'émission à la fin de son intervention. C'était juste avant le coup d'envoi sur RMC. Merci Marc. Voilà. Ça rentre à force. Vous répétez, mais à force ça rentre. Et en plus, t'as été bon. Donc. Comme d'habitude, ça s'est passé trop long. Alors, mon petit Marco, ce match, tu voulais parler de quoi? De Mariupol, je suppose? Oui, je vais prendre l'émission avec vous, oui. Parfait. Il est bon, le petit Clément, il s'appelle ça. Ouais, Clément Carpentier, ouais, il est bien, hein. Ah, il est vraiment sympathique et très très perspicace dans ses analyses. J'aime beaucoup. Alors, on a un petit quart d'heure là pour débriefer ce qui s'est passé hier. Bon, les gars, si je vous dis que voilà, on a été pris un petit peu à froid, on a souffert 15-20 minutes et puis après, bon, ça s'est mis en place et puis on a su quand même réagir. J'ai une question. Oui. Pour vous. Cette équipe de Mariupol, son championnat, il a déjà démarré depuis un moment, non? Trois matchs, il y a eu trois journées. Et ils sont avant-dernier. Ils sont 19e. Ouais, bon, c'est clair. Enfin, non, ils sont 11e sur 12, pardon. Mais eux aussi ont joué des matchs de préparation En amont. Bah, ils ont fait un tour préliminaire comme nous déjà avant. Voilà, ils n'ont pas fait le troisième le premier tour peut-être. C'est possible. Peut-être. En fait, si vous voulez, le début de match, je les ai sentis en jambes que nous. Ah oui. Déjà ils jouaient chez eux, donc le voyage en moins, parce que c'est une zone énorme au début de saison. Ils ont quand même fait 600 km. Hein. Oui. Le terrain, ils jouaient presque chez eux. Ça, j'ai envie de dire, c'est le même pour les deux. Ils ont sûrement une préparation qui est différente de la nôtre, dans le sens où on n'est pas calibré pour être en forme là maintenant. Donc ce début, je pense qu'on va avoir l'effet inverse contre Strasbourg. On risque de mieux démarrer que Strasbourg, mais de moins bien finir que Strasbourg. Là, ça a été un peu l'inverse. Donc on a été surpris, en plus ils mettent un but le petit dégagement dans l'axe mais bon, le but est beau. La reprise qu'ils mettent. Ah ouais, la reprise est magnifique. Donc ils ont marqué, ils ont été dangereux sur la vivacité, la vitesse. Tu sens que les jambes, on les a pas beaucoup. Par exemple un Gagic qui a pas fait un match de préparation, les jambes ils devaient en manquer un peu. Après ce qu'on voit, c'est que même dans cette configuration là, on a su faire le taf. J'ai envie de dire, il fallait le faire, c'est tout ce qui était important sur ce match là On l'a fait. Tiens, Adrien, t'es arrivé, on t'a pas entendu encore. Non, c'est un match intéressant, agréable à voir, surtout jusqu'à la 60e, à peu près. Après, bon, on gérait un peu plus, c'était plus tranquille. Mais non, c'était un match agréable. Il y a des joueurs qui m'ont inquiété au départ, notamment au départ notre milieu de terrain, à part Plasil. Quand on commence à prendre l'eau, même quand il y a 1-1, sans carré, bon, il fait l'action sur but d'égalisation, mais au niveau des deux même. Ouais, la petite passe. Mais en première mi-temps, enfin avant l'égalisation et même avant le deuxième but, j'avais un peu du mal avec Sankaré et Tchouaméni. J'avais l'impression qu'on les trouvait pas du tout, que notre milieu, il y avait un problème. En fait, il y a un problème sur le second ballon que dégageait notre défense, comme le montre le but. C'est on avait un problème sur ça. Donc il y avait un petit problème au milieu qu'on a réussi à régler petit à petit. Défensivement, il y a eu quelques soucis. Pablo a pas fait un match extraordinaire. Même si ça a amélioré au cours du match, au départ, ça faisait un peu peur. Même Koundé, il y a eu quelques interventions où c'était hésitant. Youssouf qui fait un match pas top, mais derrière, t'as des joueurs qui te permettent que l'équipe réavance. Et le joueur phare, pour moi, celui surtout qui a permis de réavancer, pas forcément, il n'a pas été décisif, mais voilà, c'est Camano. Camano, c'est le joueur qui te dit, qui te permet de te dire que t'es pas. Il est dans les bons coups. Voilà, il est dans les bons coups, et puis surtout, il impulse l'attaque. On a eu beaucoup de frappes sur ce match, et c'est lui qui a impulsé beaucoup d'attaques et d'allants offensifs. Moi, c'est surtout que j'ai pas vu ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire qu'on nous avait. Alors, j'ai écouté. Bah, Marc, t'as réagi sur RMC, donc t'as dû écouter l'avant-match. De ce qu'il nous disait, où notamment Gus Poyet disait que voilà, c'était une équipe qui défendait beaucoup, et j'ai pas vu ça en fait, parce que j'ai pas trouvé que Mariupol était une équipe recroquevillée qui défendait beaucoup. Mine de rien, Costil, il a quand même 3-4 arrêts à faire, quoi. Ouais, mais ils ont marqué très tôt, ce qui fait qu'ils ont essayé de nous prendre en compte. Après, pour compléter ce que disait Adrien, il me semble que Tchouaméni joue sur le côté droit, si je me souviens bien. Après, j'ai vu un live tellement dégueulasse que j'ai un peu de mal encore à situer ce joueur. Mais il joue côté droit, là où il y a aussi Youssouf, on sent qu'il a un peu de mal quand même à se positionner. Moi, Youssouf, pour l'instant, je suis pas emballé. Hein. On m'en a dit que du bien. J'ai vu que deux matchs, hein, donc je vais pas juger sur deux matchs. Mais pour l'instant, je le trouve pas au niveau attendu, pas au niveau Bordeaux. Face à des équipes de National D2. Après, c'est pas son poste. Ouais, mais à ce moment-là, tu ne peux pas jouer là, et à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va manquer d'un joueur à cet endroit-là du terrain. Ah, mais totalement. Il va falloir remplacer Malcolm et avoir un ailier. Le débat étant pas là, c'est pas très grave. Mais t'as raison, on se faisait la même réflexion avec Enzo. Mais il est pas extraordinaire, mais il fait pas de mauvais matchs, il fait des matchs moyens, mais après, oui, quand non, mais tu compares sûr, à Camano... Sur ces matchs-là, tu as besoin que le joueur montre qu'il est un peu plus, qu'il peut mettre en difficulté une équipe de Ligue 2 nationale. En gros, ce que je suis en train de me dire, c'est que moi, quand je vois ces matchs-là, je me dis, la Ligue 1, il n'y est pas prêt. Voilà. Ouais, la Coupe d'Europe contre une équipe de Ligue 2 nationale, ouais. C'est ça. Mais après, pas plus. Voilà. Il y a un autre joueur qui, pour moi, si on essaye de comparer au match qu'on a joué précédemment contre Dentils, c'est la disponibilité de la bande face à la disponibilité de Prier. Et je parle que de disponibilité. Mais les buts que la bande met, pour moi, le beau but qu'il fallait mettre, c'est le quatrième à la fin du match. Ouais, le dernier à la fin. Pas. Voilà. Il dribble trois mecs. C'est des buts où il y va, où il s'est dépensé, où il n'a pas compté ses efforts et où il a montré de la hargne. Et j'ai envie de dire, sur ces matchs-là, c'est suffisant. C'est pour ça que ces joueurs-là, comme Tchouaméni et Youssouf, sont montés un petit peu, se sont mis au niveau de ce qu'on attend d'un professionnel, dans l'engagement. Et c'est ce qui manquait en début de match, c'était cet engagement-là, parce que c'est vrai que Sankaré était très haut sur le terrain et Tchouaméni ne savait pas trop se positionner. Ce qui manquait sur ce début de match-là, et c'est ce que Tchouaméni a réussi, je trouve, à combler au fur et à mesure du match, notamment en seconde mi-temps, c'est le poste de Laura Guerre. C'est cette espèce de piston qui va être au four et au moulin, devant ou derrière, et qui va te soulager un Plasil et apporter de l'aide à Sankaré. Voilà. Pour moi, c'est ce qui explique la différence entre un début de match pas maîtrisé et une deuxième période maîtrisée. Tiens Enzo, t'as lancé un petit sondage sur Twitter. Vas-y. C'est ça. C'était la question exacte était. C'était juste votre top pour ce match. Ah oui, pardon. Pour le top. Match. Donc, on avait mis trois possibilités, enfin, une quatrième qui était. Voilà, on a mis Laborde, Camano et Tchouaméni. Ouais. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Fin... Oui, sur ce match-là, ça me semble. On avait mis Tchouaméni dans les tops. C'est ça. Alors, moi, je vous avoue que j'étais au pub. Donc, Moi, j'aurais plus mis Plazil. Vu que Plazil. Ouais, Yaro aussi. Yaro, enfin, un bon match quand même. Yaro, et tout ça. Après, Tchouaméni est buteur pour son premier match en Coupe d'Europe. Bon, Tchouaméni, il y a vraiment à différencier entre sa deuxième mi-temps et sa première. Première mi-temps est très compliquée. On va pas chipoter sur un mec, mais. Non, mais c'est d'ailleurs, pas. Je me pose des questions quand je vois ces deux joueurs. Je trouve que Tchouaméni et Youssouf jouent énormément. Mais par exemple, je trouve pas qu'encore qu'un Tchouaméni soit au-dessus d'un Vada. Pour y prendre son poste. Est-ce que vous pensez pas que ces matchs de Coupe d'Europe pour Youssouf et Tchouaméni, c'est pas des tests grandeur nature pour savoir s'ils vont vraiment intégrer le groupe ou pas? Alors, on va répondre à la question, mais avant, Enzo va terminer son résultat de sondage. C'est ça. Alors, Laborde l'a emporté avec 39%, Camano 36% et Tchouaméni avec 23%. Ah, donc Laborde qui met deux buts, il y a quand même limite match avec Camano qui, certes, fait pas de passe des. Il apporte les buts. Pour dire le match qu'il fait Camano, c'est que. C'est un match, c'est Malcolm qui le fait, on dit que Malcolm est. Enfin, un excellent. Après, match, les enfants, c'est toujours pareil, relativisons, Marc l'a dit tout à l'heure, c'est la Gantoise. Dont il y a de très fortes chances, puisqu'ils ont gagné à l'extérieur 1-0, que ce soit notre adversaire au prochain tour, on en parlera vendredi ou lundi prochain, je sais pas trop. La Gantoise, c'est niveau Ligue 1. La Gantoise, ça va être un voire deux crans au-dessus de Venpil, c'est Mariupol. C'est niveau Ligue 1. Oui, il va falloir être plus costaud que ce qu'on a montré. On met là. Niveau Saint-Etienne. C'est niveau Ligue 1 sans problème. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Mais par contre, pour revenir à ce que tu disais, Marc. Après, on joue des équipes, tu vois, quand même des équipes de l'Est qui sont assez physiques et autres. Un mec comme Vada, physiquement, c'est moins impressionnant qu'un mec comme Tchouaméni. Ah, Vada qui a failli marquer au bout de 10 secondes qu'il était sur le terrain. Mais moi, Vada, après, depuis le début de saison, il a quand même, il a joué quelques minutes. J'ai trouvé vraiment intéressant dans ce poste de milieu, tu vois. Donc, est-ce que Tchouaméni, après, c'est pas le joueur créateur qui va nous apporter énormément, même s'il a quand même fait une belle passe sur 100 carrés, après qu'il a fait la passe sur Laborde. C'est pas vraiment le milieu, c'est plus un milieu récupérateur de base. Tchouaméni, c'est un 6. Donc, il est pas mis dans ce poste, mais c'est pas exactement son poste exact, quoi. De toute façon, à ce poste, et on s'en rend compte plus. Il y avait une phrase qui avait été dite durant la Coupe du Monde d'Arsène Wenger sur Giroud en disant on s'en rend compte quand il est pas sur le terrain de son utilité. Et Bélair Hager, j'ai l'impression que c'est pareil. C'est que dès qu'il est pas sur le terrain, tu sens qu'il manque un truc au milieu de terrain. Pour citer de vieux souvenirs, Vidéoton, le match retour, on le perd 1-0, on manque d'impact au milieu. C'est un vieux, c'était il y a un an. Oui, mais bon. on manque d'impact, il n'est pas là. Le match retour contre Van Spies, il n'est pas là. Et sur la deuxième partie du match, on le sent. Là, sur la première partie du match, sur celui-là, on le sent aussi. Donc voilà, Lerraga, on est tenté de dire... peut-être qu'on va le mettre sur le banc finalement, vu qu'il y a des recrues, peut-être le John Tchouaméni et tout ça. Non, mais finalement, le Rager, il est quart de finaliste à la Coupe du Monde, même s'il n'était pas titulaire, je veux dire, il fait quand même partie. Tu peux pas le mettre, je vois pas comment actuellement tu peux D'ailleurs, le mettre sur le banc. Je me pose une question, Bašić, son poste, c'est un réel 6 ou c'est un relayeur? Parce que si vous me l'avez comparé, alors. Attention, tu vidéo, n'as pas écouté l'émission. Si, j'ai écouté et vous n'en avez pas parlé. Mais si, Clément Carpentier te l'a dit, qu'on l'a présenté comme un 6, mais que lui-même a dit qu'il était limite plus 8 que. Mais il est au poste de Lerraga. Parce qu'aujourd'hui, des 6, on n'en a pas un en fait. Parce que même Plazil est plus un relayeur qu'autre chose. Donc, quand on regarde le tableau, j'ai l'impression que ce milieu à 3, ou même cette équipe, risque petit à petit de la saison et on verra ce qui va se passer, mais de bouger. De toute façon, Bašić sera pas. Je pense pas que le mec arrive titulaire à 21 ans au premier match. Non, il alternera avec. Voilà. On risque peut-être voire même d'avoir un milieu. Alors peut-être pas sans carré, mais je crois, il m'a semblé, après le stream était moche, donc mais il m'a semblé que sans carré. Mais au pub, les gars, il marche bien le. Oh oui, mais je vais pas faire 3 heures de bus pour aller au pub, je préfère. Ouais, c'est pas faux. Sans carré me semblait à un moment du match, je crois que sur la deuxième partie de la première mi-temps, être remonté un cran au-dessus, même sur le reste du match, un cran au-dessus, 8-10, c'est un poste où il est un peu plus au-dessus. Et derrière, c'était entre Tchouaméni et Plasil, où des fois, quand il y avait besoin, Tchouaméni redescendait et tout ça. Et je pense qu'on risque d'avoir la même chose, et avec les profils comme... il y aura toujours Sankaré qui sera plus haut. Et puis après, il y aura Lehrager, Basic ou Plasil. Les deux, il y aura trois joueurs pour deux postes. Mais il y aura toujours, même si Basic joue 8, il redescendra des fois en 6. Enfin voilà, au cours du match, ça sera très mobile au milieu. Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus que l'effectif est amené à évoluer. Alors je ne pense pas que Plasil, Lehrager et Sankaré, je ne les vois pas s'en aller. Par contre, ce n'est pas impossible que tu perdes un Vada sur un prêt, que oui. Tu perds en acquis d'autres au milieu de terrain. Ça a été dit, les joueurs qui sont amenés à ne pas avoir un fort temps de jeu peuvent être prêtés. Voilà, c'est amené à évoluer. Et Basic, à moins d'être vraiment un génie... Alors, apparemment, il a un très bon pied gauche. Ça, on va le voir dans les mois qui viennent. Si Bordeaux se qualifie pour l'Europa League, il y aura la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le championnat, l'Europa League. Il y aura largement... Plasil, il a 40 ans. Il pourra pas jouer 38 matchs. Il y aura largement la place pour faire tourner, je pense, entre Sankaré, Plasil, Lehrager et Basic. Mais on a les trois au milieu. Ça veut dire que Basic, il y aura des blessés, il y aura des suspendus. Maïté. Oui, voilà, c'est ça. C'est numériquement, il remplace Maïté. Et peut-être même dans le style, il peut remplacer un Maïté où il pouvait jouer en 6, il pouvait jouer 8. Voilà. Après, il faut prendre en compte. Est-ce qu'il sera prêté ou pas, Otavio? Je sais pas. Il y a Otavio, je l'ai complètement oublié. Il y a Otavio. Ça veut dire que, alors, pour l'instant, on a 4 joueurs remplaçants, presque. Vu que si on met un milieu titulaire, Plasil, Lehrager, Sankaré. Et après, derrière, t'as Basic, Vada, Tchouaméni et Otavio. Donc, mais au milieu, il y en a un des 4. On a un de trop. Ah, mais oui, je pense qu'Otavio doit être prêté ou va être prêté, parce que c'est pas possible de... Ce garçon, il arrive numéro 4, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même Basic, qui a pas joué un seul match... On va le prêter et pas le vendre. Oui, ah, oui, le prêter. Le prêter dans un autre pays, peu importe, hein. Mais le prêter et pas le vendre, parce que je me souviens de ce joueur, quand même, quand il avait joué ses premiers matchs à Bordeaux. Il avait été très bon. Je me souviens d'un joueur qui avait besoin d'apprendre, tactiquement à pas se mettre partout sur un terrain. Mais à la récupération, dans la vivacité, l'anticipation, je l'avais trouvé quand même très intéressant. Après, tu sens qu'il ne savait pas se positionner tout le temps sur le terrain. C'était un peu à la brésilienne. C'était un petit peu l'anarchie par moment. Et sur des gros matchs, on prend des équipes bien qui techniquement sont très et tactiquement très justes comme Monaco ou Paris, ça avait volé en éclat. Donc des équipes qui nous attendaient derrière, en sentinelle, ça avait fait le boulot. Donc, joueur intéressant comme le profil, je ne pense pas qu'on soit beaucoup planté sur le joueur. Mais qui a besoin de jouer, qui n'a pas sa place à Bordeaux, mais pour moi qu'il faut prêter, c'est... Marc, ouais. Allô, tu m'entends? Ouais. Je suis désolé, va falloir terminer parce qu'on a quelqu'un qui doit nous appeler à Marc. Justement, j'allais devoir vous abandonner. La bise au chien. Je vous souhaite une bonne fin d'émission, messieurs. Un prono vite fait pour samedi, dimanche. Écoute, j'aurais dit 2-0, 3-1, mais j'ai envie de dire 1-0. Allez, 1-0, ça m'ira très bien. La petite victoire courte avec un 6 buts de notre cher Bignon Brillant. Parfait. Pour moi, ce joueur me fait penser à Bellion. Je pense que je vais. Qui est brillant? Brillant. Non, brillant, c'est plus ouais. Bryce White que Bellion, excuse-moi. Le jour où Bellion, il aura marqué 100 buts en Ligue 1, on en reparlera. Mais sur ses années bordelaises. Oui. Ah, oui. On sait pas. Ça se trouve, tu sais, il va nous faire penser à Divide, hein, sur ses années bordelaises. Non, je pense que Brillant, j'espère, je pense qu'on sera pas déçus. Après, on verra au fil du champ des matchs, mais. Voilà, bon, enfin bref. Merci Marco, on se voit dimanche. On reparle de tout ça dimanche. Ok. Allez, dimanche. Bisous, ciao. Bonne soirée, ciao. On va continuer. Alors rapidement, avant avant de parler de d'enchaîner sur Strasbourg et après de parler des transferts et de Paul Bayes. Ouh la vache, en 45 minutes ça nous fait Strasbourg, ça va nous tenir, ça devrait aller même pour Bayes, c'est quand même pas Strasbourg, ça nous tient jusqu'à 9h, ensuite on passe un quart d'heure. Quoi vous dire, que normalement si tout va bien, et ben Marseille-Toulouse a débuté puisqu'il est 20h45. Et que donc c'est le coup, officiellement le coup d'envoi de la saison de Ligue 1 avec la VAR à surveiller. Il y aura peut-être. C'est parti pour 38 journées de bonheur. C'est parti pour 38 journées de ouf, mon gars. Voilà. Alors évidemment, il suffit que j'ai envie de vous parler de ça pour que Internet bug complètement. Parfait. Bien joué, Adrien. Timing de ouf. Mais à noter aussi que brillant. Enfin, c'est pas. On en parlait tout à l'heure. Enfin, après c'est un test, donc enfin c'est pas un test, mais c'est pas un pari. Je pense que c'est plus un test pour Strasbourg que pour Bordeaux. Non, mais je veux dire, non, je parle de Briand. C'est un joueur qu'on prend juste comme ça pour histoire d'avoir un joueur en plus qui a de l'expérience et autres. C'est pas non plus incroyable. Donc on n'a pas grand chose non plus à attendre de lui. Donc c'est pour ça, il peut être qu'une bonne nouvelle pour le club. Je pense que ça peut pas être une mauvaise nouvelle. Donc après. On va enchaîner justement pour parler de ce match avec notre invité strasbourgeois, c'est Quentin. Salut Quentin. Salut, salut tout le monde. Comment salut, ça Quentin. Va Quentin. Ça va très bien et vous? Bon, il fait pas trop chaud à Strasbourg, ça va, c'est passé la canicule et tout ça, ça va, t'es au frais, t'es tranquille. Ouais, c'est quand même bien chaud. C'est pas. Alors, je m'excuse par avance de ce que je vais dire, je ne suis jamais venu à Strasbourg de ma vie, mais c'est pas tous les jours qu'il doit faire 38 degrés à Strasbourg quand même. Non, même pas, mais grossière erreur, hein. Il y a de belles choses à visiter, c'est une jolie ville. Ah, ça on est bien d'accord, ça je te cache pas que si j'ai l'eau. Par contre, même Sherlock Holmes, le film Sherlock Holmes, il y a eu une partie à Strasbourg. Sérieux? Qui a été tourné à Strasbourg? L'explosion de la cathédrale, je crois. Ah bah, Strasbourg, j'avoue que. Qui a fait un mini débat parce que ils ont mis du temps, beaucoup de jours à tourner, je crois, pour avoir 10 secondes ou une minute. Putain. Oh, ouais, il y a eu un peu. Un petit bout à Strasbourg. Ouais. Mais comment t'es allé sortir ce genre d'infos, Adrien? On est journalistes, on l'est. Alors, Quentin, ouais. Enzo, rapidement, parce que là, ça va parler réseaux sociaux et là, pour tenter de dire que c'est perdu. Quentin, il est membre de Hawker du RCS, donc c'est je sais pas si vous avez un site. Non, en fait, non. on est sur Facebook, Instagram et Twitter. C'est ça. Alors pour le retrouver, on est en train de les partager sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez les retrouver facilement. Et pour les amoureux du Racing Club de Strasbourg, n'hésitez pas à aller les voir, ou même pour avoir des infos pour le match de dimanche. Alors Quentin, si t'es avec nous, c'est pour nous présenter un petit peu le Strasbourg 2018-2019. Alors, on va déjà faire un petit point rapide sur. Qui a quitté le RC Strasbourg et qui est arrivé rapidement? Bon, Terrier, on sait qu'il est parti à. Terrier. Ouais, c'est Terrier, Martin Terrier, qui était prêté dans un premier temps par Lille, qui a été racheté en janvier par Lyon et reprêté du coup à Strasbourg. Il est retourné à Lyon du coup. On se souvient aussi quand même qu'il nous avait fait très mal l'an dernier, ce garçon. Puisque Strasbourg était exactement. Il avait marqué un très beau but et une passe décisive. C'était en gros grâce à lui qu'on avait gagné. Avec un rush de 80 mètres, il était parti tout seul depuis le milieu de terrain, je crois, même pire, je crois, depuis son corps. Il avait cassé le rein de tout le monde. Il avait démonté tout le monde. Il y a encore son cadavre sur un peu. Ça, Quentin, je sais pas si t'as vécu des soirées comme celle-là à la Méno, mais je te promets que ce soir-là, j'ai rarement vu une ambiance aussi hostile à Bordeaux. Ça faisait très longtemps que c'était pas. Si, il y a eu quand après, tu vois, on a pu faire pire. Mais ce soir-là, vous nous aviez mis un bon. Vous nous aviez mis un bon sou, quoi. C'est clair. Bon, c'était un peu inattendu aussi pour nous, mais ça nous a fait du bien ensuite parce que c'était trois points qui étaient très importants pour le maintien. Si t'avais à comparer, le point sur les départs, les arrivées, pour toi, ton équipe, c'est affaibli ou c'est renforcé par rapport à l'année dernière? Alors, on a eu beaucoup de départs. Il y avait déjà beaucoup de joueurs en fin de contrat. On s'est retrouvé en début de saison avec un seul gardien. Heureusement, maintenant, le club a pu recruter un nouveau gardien qui est Matt Selt, qui est vraiment très bon. Donc ça va déjà nous renforcer par rapport à l'année dernière. Ils se sont bien renforcés aussi au niveau de la défense, qui posait problème l'année dernière. Je pense que par rapport à l'année dernière, ouais, on devrait être meilleur après avoir comment tout se met en place. Mais je pense que c'est pas mal. Adrien, Zo, si vous avez... Oui, il y a eu un gros départ aussi avec Aoulou, je crois. C'est ça. Qui a ouais, gros départ, parce que c'était quand même une pièce maîtresse dans l'effectif strasbourgeois. Très important au niveau de la récupération. Après, je pense que l'année dernière, on a, il y a eu Jonas Martin qui est venu du Betis Séville, qui a fait une saison en dentille en quelque sorte. Donc, on attend peut-être un peu plus de lui et qui pourrait peut-être un peu faire oublier Aoulou, même si Aoulou reste reste quand même une personne, enfin un joueur assez important dans l'effectif. Le... Oui, Enzo. Au niveau de votre préparation, on a, enfin, personnellement, et après je pense autour de la table, on n'a pas tellement suivi ce qu'a fait Strasbourg. Vous avez fait quoi et vous avez joué contre qui? Alors, on avait commencé en début juillet face à Sochaux. C'est en gros deux semaines après, avoir recommencé l'entraînement. Donc là, il s'était incliné 2-0. Ensuite, ils ont affronté mi-juillet Dijon. Là, ils ont gagné 3-2. Ensuite, Nancy, 0-0. Ils ont joué à la Gantoise, où ils ont perdu 1-0. Ah, ça, d'ailleurs, ça pourrait vous intéresser. J'allais te dire, tu l'as vu ce match ou pas? Ouais, un petit peu. Bon, ils ont un peu galéré, faut dire ce qui est. Après, la Gantoise, c'était pas non plus quelque chose de transcendant. Ils ont marqué un but, c'était sur pénalty. Donc, c'est pas non plus... quelque chose de merveilleux. Après bon, ils ont dominé, donc ça il y avait pas de doute à avoir sur ça. Donc ouais, un niveau quand même bon niveau de Ligue 1, on va dire, pour pas ouais, faire une comparaison, mais bon, c'était fin juillet, hein, mais c'est vrai qu'ils étaient déjà quand même plus avancés dans la préparation que Strasbourg, donc ouais, c'est pas... Ça ne devrait pas forcément inquiéter Bordeaux s'ils les affrontent. Donc après la Gantoise... Après, il y a eu Reims, où il y a eu un beau 3 partout. Ensuite, ils se sont déplacés à Fribourg en Allemagne, qui était 15e de Bundesliga l'année dernière. Et après avoir été menés 2-0 à la mi-temps, pardon, ils se sont imposés 3-2. Donc un peu à l'image de toute la préparation... Beaucoup de buts en début de match, et ensuite la machine se réveille en quelque sorte et ça déroule ensuite, donc pas mal. Et après, le jour d'après, ils ont joué contre l'UNFP avec la réserve en gros. Donc et là, ils ont gagné 2-0 aussi. Si les objectifs ont été bon, alors je suppose que c'est évidemment le maintien au mieux, parce que je pense que Strasbourg a quand même fait, enfin on parle pas de Strasbourg, mais je pense pour un promu, moi je trouve que Strasbourg ils a fait une fait très bonne beau saison jeu l'an dernier. C'était pas évident quand même. Il y a certains matchs spectaculaires. Ouais. On va pas se mentir, vous êtes revenu de très très très très très très loin. Ouais, c'était déjà, on va dire, un peu un exploit d'avoir été en Ligue 1 l'année dernière. D'avoir fait la double montée National League 2, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire, hein, faut dire ce qui est. D'avoir pu se maintenir, c'est là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, le but maintenant, c'est déjà se maintenir le plus tôt possible et d'essayer de faire mieux que l'année dernière. Ouais, Adrien. Il réclame juste plus de 3-3 avec une égalisation de Liénard à la dernière seconde, surtout quand il... Ah, là, vous m'avez régalé ce jour-là. Mais vous m'avez régalé. Le 3-3 à Lyon. Et le but est magnifique. Enfin, face à Lyon à Strasbourg. Non, c'est 3-2. 3-2. 3-2 plutôt. Ah oui, 3-2. Ah ouais. Même. C'est même ah, ça m'a régalé. 3-2. Si, alors c'est dommage. Lyon et Marseille pouvaient pas les deux perdre en même temps la troisième ou la deuxième. Non, troisième place. Deuxième, je sais plus. Mais ah ouais. Et d'ailleurs, Liénard, il est resté à Strasbourg, ouais. Ouais, il est resté. D'ailleurs, faudra dire à Costil de préparer les gants, parce que si un coup franc, il... Ah oui, là, au match aller l'année dernière. Les coups francs à 20 mètres, va falloir faire, il y a 20, 25, même 30, ouais, 25 mètres, va falloir. Mais ouais, en tout cas, il est encore là, il est bien motivé, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, voilà, lui aussi, hein, c'est un joueur qui n'était pas forcément destiné à jouer en Ligue 1. Il revient aussi de très très loin. Là aussi, c'est une revanche pour lui, et de pouvoir jouer contre des gros clubs, soit Lyon, Bordeaux, Marseille, compagnie, Paris. C'est vrai que pour lui, c'est que du bonus, et donc en plus de pouvoir marquer des beaux coups francs, c'est tout pour lui. Ah, c'est une superbe histoire, Léna. Il paraît que vous cherchez un numéro 9 et qu'il y a un numéro 9 de Bordeaux. Ça vous dit qu'il est en Bordeaux en prêt? Il m'intéresse plutôt, ouais. Franchement, moi je le vois bien à Strasbourg. Sérieux, non, mais prêt, tu je sais le vois bien à Strasbourg. Strasbourg, apparemment, a vraiment des contacts avec lui. Je pense que c'est un club qui est ni trop petit ni trop grand pour lui. C'est juste ce qu'il faut. Tu as ta place, il aura sa place de titulaire. Enfin, il va falloir quand même qu'il. Dans la rotation. Ah non, je minimum, non, mais minimum dans la rotation. Oui, minimum dans la rotation. Je pense qu'il peut grandir tranquille. Strasbourg, c'est un club qui est vraiment, je pense, pour les jeunes talents, qui est parfait. C'est voilà, c'est pas, t'as pas une exposition. T'es pas surexposé médiatiquement, mais t'es pas non plus dans l'anonymat total. Ça reste quand même Strasbourg. Et t'es dans une bonne ambiance. T'es dans une bonne ambiance. Il y a un public, il y a un très bon public à Strasbourg. Il y a une très grosse ambiance à chaque fois à la Méno. Un des meilleurs publics de France. Un des meilleurs publics. Enfin. À notre humble avis, hein, mais non, largement. Mais non, mais sans, monde, je pense, sans déconner, franchement, voilà, je trouve que c'est quand même pas mal pour lui. Alors après, est-ce que Bordeaux et Strasbourg, est-ce que Marc Keller arrivera à se mettre d'accord avec Stéphane Martin, je sais pas trop. Mais tiens. Bon, après, il est sur le départ. Hein. Si Briand arrive, je pense que la place, elle est. Enfin, il est sur le départ, là, je pense. Oui, c'est ça. Je après, il y a différents clubs. Il y a Toulouse qui est dessus. Il y a Angers, si je ne me trompe pas. Il y a différents clubs. Toulouse a perdu Andy Delors. Ou a pris Andy Delors. Non, Andy Delors est parti à Montpellier. Ah oui. Donc Toulouse a perdu Andy Delors. Donc ils ont peut-être. Alors je t'avoue que. Non, moi, mais ils prêteront pas à Toulouse. En tant que Bordelais, je préfère le voir partir à Strasbourg qu'à Toulouse. Je vais pas te mentir. Mais je crois que ça joue entre Strasbourg et Angers surtout. C'est un ouais, entre alors, deux. Ou à chaque fois, un coup, c'est Strasbourg qui est devant dans les négociations. Je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour Angers et des clubs comme Angers, Amiens et Dijon, mais t'as le choix entre Angers, Amiens et Dijon et Strasbourg. Angers, c'est le pire. T'as le choix entre un club historique de Ligue 1 et Angers, Amiens et Dijon. Même pas que ça, t'as Angers, c'est pour moi, enfin à mon avis, c'est le pire jeu de Ligue 1. Oui, c'est ça. C'est de l'anti-jeu total. Donc pour moi, si tu m'avais comme Laborde, quoi, c'est pas intéressant. Quentin, si tu devais nous exposer rapidement les points forts et les points faibles de ton équipe, parce que je pense que Strasbourg a aussi des points faibles. Ouais, bon, disons que la saison n'a pas encore débuté, donc ça va être difficile de se mouiller à ce niveau-là. Je pense que, en tout cas, par rapport à l'année dernière, déjà la défense sera meilleure. Après, on a quand même perdu de bons attaquants, donc j'ai peur peut-être aussi qu'au niveau attaquant, là, ce sera un peu moins bon que l'année dernière, parce qu'on était quand même, si je me trompe pas, la 8e ou la 10e meilleure attaque de Ligue 1, donc ce qui est quand même pas mal pour un promu. Est-ce qu'ils arriveront à faire aussi bien que l'année dernière? Ça, je peux pas vraiment le dire maintenant. Là où ça peut être un point faible, c'est d'avoir perdu Aoulou. Ça peut être un point faible, en espérant que sur les côtés on perde pas encore Lala avant la fin de saison, parce que là sinon ça serait assez mal, je pense. C'est vrai que vous avez perdu vos deux armes principales offensivement, et pour les remplacer il va falloir trouver un autre binôme, un autre duo qui soit au moins aussi efficace, et ça risque de pas être facile. Avant qu'on passe au prono, au niveau du match de dimanche, est-ce qu'il y a des joueurs blessés, des joueurs suspendus? Alors il y a Idrissa Adi qui a eu un virus il y a 2 semaines et qui vient seulement de revenir à l'entraînement, donc lui il sera pas là, ça c'est quasiment sûr. Autrement ils sont quasiment tous là, à part Benjamin Corny qui est lui aussi blessé. Et autrement, l'effectif est plutôt complet en ce début de saison. Et puis pour planter un petit peu le contexte, un petit point historique rapidement, il y a eu 50 matchs, de Ligue 1 dans le championnat de France, anciennement en première division et maintenant Ligue 1. Donc 50 Bordeaux-Strasbourg, 29 victoires bordelaises en terre Aquitaine, 11 matchs nuls, quand même 10 victoires strasbourgeoises à Bordeaux. La dernière, évidemment, l'année dernière, on s'en rappelle, le 3-0. Et avant, il fallait remonter à la saison 2004-2005. Et une victoire 2-0 des Strasbourgeois à l'Escure, donc il y a presque 15 ans, quoi. Donc ce qu'ils ont fait l'an dernier, c'était quand même pas rien. Bon, alors malheureusement, entre temps, Strasbourg évoluait pas en Ligue 1, donc c'était compliqué. Ouais, c'est ça. Depuis 2008, on était un peu dans les bas fonds du. C'était un petit peu compliqué. Des championnats de France, mais ouais, après, c'est. L'année dernière, le fait d'avoir gagné 3-0, ça va, je pense, permettre aux joueurs de venir dimanche aussi au stade avec une autre vision des choses et ne pas être surpris par le stade qui est quand même magnifique. Ça peut surprendre aussi à ce niveau-là. Donc je pense déjà ça c'est un bon point. Après comment ils vont jouer l'avenir nous le dira. On va passer au prono. Qui dit prono, messieurs, dit jingle. Jingle. Quel est votre pronostic? Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Alors Quentin, boucherie ou pas boucherie dimanche? charcuterie pour le coup là. Strasbourg, on est plus dans la charcuterie. Quelque chose comme ça. Non, je pense que j'ai pas vraiment vu de match de Bordeaux, donc je sais pas trop. T'as pas vu Van Pils et Mariupol? Oh là là, mais comment t'as pu rater ça? Après, j'ai juste vu que les trois derniers matchs, effectivement, c'est soldé par une victoire. Après, on va pas trop non plus se mouiller, mais je dirais un partout. Ça ferait déjà un bon point pour le maintien, pour le Racing. Donc, surtout que Strasbourg a un gros, gros début de saison, là, si je dis pas de bêtises. Mais ils ont Lyon, non, après. Ouais, après, il y a Saint-Etienne à Améno, et ensuite, on se déplace de nouveau à Lyon. Donc, trois matchs et trois équipes qui jouent l'Europe. Donc, Et je ne sais pas quel club, je crois que c'est Angers, Amiens ou Nîmes, je crois, qui prend Monaco, Lyon et Marseille d'entrée. Et avec trois premiers, c'est Monaco, Lyon, Paris ou Lyon-Marseille, je sais plus. Enfin, ils prennent trois des quatre premiers de Ligue 1. Adrien, ton pronostic? 1-0. Enzo? 3-1. Et moi, je vais dire un petit 2-1 parce qu'on va prendre un but. Ouais, je pense qu'on va prendre un but comme à Mariupol. Coup franc de 40 mètres de Liénard. Voilà. Après, j'espère qu'on saura. Parce qu'attention, hein, les enfants, Strasbourg, c'est pas Mariupol et c'est pas Van Pils. Ça va être plus. Je pense, moi, personnellement, que Strasbourg va justement, comme tu l'as dit, vu qu'il joue et Bordeaux et Saint-Étienne et Lyon, essayer de prendre un max de points, et vu qu'ils visent le maintien, un max de points d'entrée de début de championnat pour peut-être se rassurer d'entrée, à prendre, on va dire, peut-être 4-5 points sur 3 matchs, là, sachant que Lyon est pas rodé, Saint-Étienne est pas super rodé non plus. Nous, on est un peu chaud parce qu'on a des matchs de Coupe d'Europe, mais bon, c'est pas non plus la folie. Ça serait pas une catastrophe. Disons que pour nous, placé entre deux tours de Coupe d'Europe, tu démarres par un nul à la maison, c'est pas infamant, quoi. Voilà. Sachant qu'après, tu vas à Toulouse et tu reçois Monaco, bon, ou inversement, je sais plus. Oui, non, c'est ça. À Toulouse, tu reçois Monaco. Quentin, rappelle-nous vite fait. Réseaux sociaux. Ouais, tout ce qui est réseaux sociaux, là où on peut te retrouver, Twitter, Facebook, Internet, enfin tout ce que. Donc vous pouvez retrouver c'est la page Au cœur du RCF. Donc vous pouvez retrouver ça sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc Facebook et Twitter, on met tout ce qui est de l'info, tout ce qui est de l'actualité du club. Et puis Instagram, on met vraiment tout ce qui est des photos qu'on prend de ce qui est des entraînements ou des matchs. Donc uniquement des photos de matchs ou d'entraînements. Voilà. En fait, vous êtes nos confrères strasbourgeois. C'est ça, vous êtes nos équivalents strasbourgeois. Ah bah voilà, ça tombe bien. Essayez de monter une petite émission de radio. Ouais, bon, c'est sympa. Faudra faire ça petit à petit. Bon, après, faut trouver la radio, tu vas me dire. Mais c'est aussi ça. Bon, t'inquiète. Deux micros, trois enceintes et en avant. Merci. Ouais, on verra ça. Merci beaucoup, Quentin. On va quand même te souhaiter un bon match pour dimanche. On n'est pas. Ouais, merci à vous et bon match aussi. En espérant qu'il soit beau, hein, c'est plus important. Ouais. Après, il y a la victoire à bout pour Strasbourg, c'est encore mieux, mais. Merci à toi Quentin, merci bon match beaucoup, Quentin. Et puis merci d'avoir participé à l'émission, c'est cool. Ouais, à vous. Bonne soirée, merci. Bon week-end, ciao. Salut tout le monde. Sympa Quentin. Ochoa, salut Ochoa, ça fait longtemps dis donc qu'il n'était pas venu sur le chat. Ochoa, Bordelaise 92 dit 3-0 pour enflammer le stade, 1-0 pour Sip, sachant que Bordeaux aura un déplacement en Ukraine dans les jambes. C'est vrai qu'il faut peut-être voilà. Bon après, les mecs, ils ont 19 ans, s'ils peuvent pas prendre l'avion et jouer un match de football. Non mais surtout que c'est pas là qu'il faut faire se plaindre. Pas de nul, une victoire obligatoire. Oui. Pardon, c'est pas maintenant qu'on va devoir se plaindre un peu de la fatigue et tout. Comme disait Clément Carpentier, si tu commences à pleurer maintenant. Mais c'est ça, au pire que les joueurs souffrent un peu octobre, novembre encore, ça peut se comprendre à moitié, mais là, tu vas pas me dire. Oui, non, mais c'est sûr, franchement. Puis on a du banc aussi, on peut faire tourner un peu. Avant qu'on passe au transfert et au petit débat sur Paul Baïs, un petit point rapide puisque c'est la mi-temps sur le terrain de Ligue 2. Au bout de 18 minutes, Marseille et Toulouse sont toujours à égalité 0-0. À la mi-temps, Lens mène déjà 2 buts à 0 à Nancy. Le Havre mène à l'extérieur 1 but à 0. C'est au Red Star. Auxerre mène 2 buts à 0 à Orléans. Béziers, putain, pour l'instant, c'est que des victoires à l'extérieur. Béziers mène à 3-1-0. Béziers qui est promu. Sochaux, le club d'Olivier Verdon, mène 1-0 face sur le terrain de l'AC Ajaccio. Grenoble mène 1-0 face à Niort sur sa pelouse. Valenciennes sur son terrain mène 1-0 face à Châteauroux. Le Paris FC mène 1-0 à Brest. Et le Gazélec Ajaccio et le FC Lorient sont à égalité, un Est-ce but que partout. Boupenza joue ou pas? Non. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que pour une première journée de Ligue 2, à la mi-temps, il y a des buts sur tous les minimums. Il y a pas la première, 12 buts. La troisième, pardon. Il y a minimum un but sur tous les terrains. Et sachez, puisque l'Angleterre reprend aujourd'hui également, après seulement 4 minutes de jeu, Manchester United mène 1-0 face à Leicester, un but de. Paul Pogba qui a dû fêter dignement, je pense, son titre de champion du monde avec ce but au bout de 3 minutes. Donc c'est bien parti pour United pour la. Allez, bon, je vois pas le. Enfin, sauf miracle pour Leicester mettre 2 buts à Manchester United. C'est ton jamais. Ah, après, c'est championnat anglais. Ça suffit déjà. Tout est possible. Et, disons et que. Petit aparté, je sais pas si vous avez vu le titre qu'a accordé l'équipe ce matin sur la victoire des Girondins. Très bon. C'est les Girondins, pas des Marioles. Mariupol. Un rapport Mariupol. Mais c'est Mariupol, c'est pas Mariol. Mais oui, non, c'est un jeu de mots. Mauvais. Ah non, c'est mauvais. Voilà. 20 minutes, c'était mieux. La prochaine fois qu'on aura Emritain, faudra lui dire. On dira que c'est mauvais. Le mot, c'est Mariupol. Si tu fais un jeu de mots en coupant la moitié d'un mot, oui, alors on peut faire des jeux de mots avec n'importe Est-ce quoi. Est-ce que c'est un jeu de mots pas brillant? Oh merde. Allez, je vous casse. D'ailleurs, il était. Non, c'est mauvais, je vais pas le faire. Vas-y. C'est très. Non, tu sais pas. Parce que c'est tellement mauvais que je te promets que tu sais pas. Non, j'espère qu'il était sobre cet après-midi, Basic, à la conférence de presse. J'espère qu'il était pas sous. Attendez. Oui, bah, on va s'accorder un petit. Attendez. Voilà. Bon, on va pouvoir reprendre le cours normal de cette émission. Les transferts. On va y revenir comme on en a parlé tout à l'heure avec Clément Carpentier, mais on va quand même en retoucher un petit mot. Jingle. Hop là. Il s'agit du transfert le plus important de l'année. Drogba. Thuram. Non, monsieur, c'est Makelele. Beckenbauer. Maradona. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Alors, on va pas parler de tennis, ce lecteur est infect, ça grésille, ça saute, c'est insupportable. On va pas parler de tennis, évidemment, on n'est pas là pour ça, on va parler des transferts. Pourquoi ? Parce que en dehors de l'arrivée et de Basic et de Jimmy Briand, dont on a déjà parlé tout à l'heure avec l'ami Clément Carpentier, il y a quand même quelques petites infos qui ont traîné dans la journée. Alors, on va commencer quand même par, on va terminer sur Jimmy Briand. Qui dit que voilà, il a déclaré lui qu'il a jugé que le projet de Bordeaux était le meilleur pour lui. J'espère bien. Il dit je m'étais projeté en MLS hein, puisque son transfert a été avorté au Canadien de Montréal, je crois, un truc comme ça. L'Impact. L'Impact de Montréal. Le Canadien de Montréal, c'est les hockeyeurs, je crois qu'il s'appelle comme ça. L'Impact de Montréal, là où on a joué un trophée des champions. Contre Guingamp, on a gagné 2-0. Donc il dit je m'étais projeté en MLS, mais dans le foot, les négociations peuvent ne pas aboutir. Ça ne s'est pas fait, je ne regrette rien. J'ai été sollicité par plusieurs clubs et j'ai jugé que Bordeaux était le meilleur projet pour moi. C'est un club ambitieux, je viens ici pour apporter mes qualités, mais compte tenu de mon expérience, j'aurai aussi un rôle pour encadrer les plus jeunes. Cependant, je viens d'abord pour gagner ma place et faire mes preuves. Et puis évidemment, il est revenu rapidement sur la mini polémique qui a été déclenchée par l'arrivée aux Girondins, notamment Camboire et Benezé, donc qui a allumé son barbecue avec le maillot de son ancien collègue cet après-midi, qu'il a cramé dans le barbecue. Non, il a pas cramé le maillot, il a juste agité pour faire du vent. Enfin, il utilisait le maillot pour faire du vent. Bon, bref. Il a dit « J'ai toujours été en relation avec le président Desplats de Guingamp. Même en venant à Bordeaux, je lui ai expliqué mon choix et nous avons échangé. Si j'ai déçu des gens, je m'en excuse. Moi, je ne garde que des bons souvenirs de Guingamp. J'ai eu un entraîneur formidable et un président formidable. Mais malheureusement, c'est le football. La vie continue. » Voilà, bon. Il y a eu des problèmes aussi extra-sportifs avec Guingamp. Non, mais je veux dire, à un moment donné, tu pars de Guingamp, tu veux aller en MLS, ça se fait pas. Je crois qu'il a été sondé par Lens aussi. T'as une Ligue 2 et là, t'as Bordeaux qui arrive, qui a deux matchs de se qualifier pour l'Europa League. Bon, tu réfléchis pas, t'y vas, point barre. Quoi. Les Guingampais, si on veut se faire pardonner, on leur prête Vada et puis voilà. Y a pas de soucis. Non. Vada, faut le prêter en Espagne, c'est là où il sera le meilleur. Oh, on sait pas. C'est là le prétend Ligue 1, enfin à Guingamp. Bah, il faut, en fait, non, je pense que Vada, le problème est. Il faut qu'il s'endurcisse. Je pense que l'Espagne irait bien à Vada. Oui. Mais après, sans aucune. Vada sur ses entrées. C'est juste sur une intuition. Vada sur ses entrées qu'il fait depuis. Très intéressant. Il fait des entrées où il percute. Maintenant, et c'est va pas un duel. Débat Vada, si tu veux. Non, c'est pas un débat Vada. C'est même un débat transfert. C'est même un débat avec transfert. Avec une nouvelle tout à très fait. Triste aujourd'hui. Qu'est-ce pour le club nautique d'Arcachon. Quoi, Jean-Michel a été transféré au FC Arras. Non, c'est le départ de Cafu. Leur plus grand client. Alors, mais j'allais y arriver, calmement. Mais oui, mais je fais le. Bon, brillant, bon, on est tous d'accord, voilà, c'est, on en a parlé bien. Avec Clément, c'est non, bien. Non, c'est beau, c'est bon. C'est un bon. Honnêtement, ouais. C'est un mec avec une mentalité, et pourtant, il a joué à Lyon. C'est un international. Mais on peut rien lui reprocher, c'est un ancien international, il a marqué près d'une centaine de buts, donc il sait ce que c'est quand même scorer, il a des stats qui parlent pour lui. Et de toute façon, il a une mentalité c'est... quand même qu'il a jamais, on a c'est jamais entendu parler de Jimmy Briand hors. D'un terrain de football, oui. Que ce soit c'est... à Lyon, à Rennes ou. Et c'est comme quand t'avais fait Toulalan, même si Briand c'est peut-être un cran en dessous. Allez, un tout petit cran, mais c'est un international. À choisir, un poil de cheveux. À choisir, j'aurais préféré qu'on prolonge Brest, qu'on achète définitivement Brest, qui. Pour moi, les deux sont équivalents. Sauf que Brest White a 27 ans. Oui, voilà. Et potentiellement, tu pouvais peut-être plus miser sur le long terme avec Brest White qu'avec Jimmy Briand. Mais bon, voilà, si Jimmy Briand il met ses 10 buts cette saison, ça m'ira très bien. De toute façon, c'est même pas un pari, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un joueur qui coûte c'est rien. Au pire, c'est flop, gratuit. Il part à l'année prochaine, voilà, c'est un bon coup du gratos football club. Exactement. Son salaire doit pas non plus être énormément élevé. Enfin, c'est quand même un joueur, tu vois, même s'il est pas forcément. C'est pas lui qui va te mettre en plus sa vingtaine de buts pas cette saison. C'est un mec savoir. Oui, voilà, on sait jamais. Mais voilà, il va te mettre peut-être s'il est plutôt bon, il va mettre sa dizaine de buts. Ça, c'est toujours à prendre pour un remplaçant. Mais... Alors, l'autre. Ouais, faut qu'on avance, Adrien. Je suis désolé, il reste 20 minutes, même pas 18 minutes. Donc, faut qu'on trace un petit peu. Mais t'inquiète, on y reviendra lundi. Pedro. Non, parlons d'abord de ce qui est officiel. Pedro, il y a pas de prêté à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a passé sa visite médicale avec succès ce matin, donc il est donc officiellement prêté. De plus, ce prêt est assorti d'une option d'achat de 4 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Alors après, il a toujours une belle cote dans les pays de l'Est. Moi, le seul truc qui ce garçon, je l'ai vu faire mais malheureusement trop irrégulièrement, je l'ai vu faire des botches. Mais c'est pas en fait le resto c'est pas, de midi n'est pas passé. En fait, c'est pas un joueur qui est forcément mauvais, c'est juste que là, il avait plus envie, le club n'avait plus envie. Donc ça se voyait, enfin le mec qui venait même plus à l'entraînement et tout, il cherchait juste un point de chute. Mais je pense que c'est un pari qui a pas marché, mais je suis persuadé que c'est pas un mauvais joueur, tu vois. Non. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis un peu. Je me dis, c'est tu sais, l'espèce de truc goût inachevé, tu vois ce que je veux dire? Oui. La même sensation que j'avais eue avec O'Haro, avec Modeste, avec Ménez. Les planètes n'étaient pas ensemble pour que ça marche. Avec Ménez, ou récemment, avec Depréville, hein. Qu'on commence à voir. Bah, pour l'instant, Depréville n'est pas parti. Oui, voilà, je me dis, bon, il est prêté Cafu, il n'est pas transféré. Mais je me dis, putain, j'aurais voulu le voir vraiment pleinement. Ouais, voilà, dans ses œuvres. Voilà, à son maximum, comme avec Ménez, O'Haro ou Modeste à l'époque. J'aurais voulu le voir, voilà, et puis peut-être, voilà, je pense qu'on a laissé beaucoup plus la chance à certains qui étaient peut-être moins bons qu'à Cafu ou à d'autres, par exemple. Bon, après, les coachs se sont succédés, faut pas oublier qu'il y a quand même eu parce que 4 coachs en 2 ans, donc ça l'a pas non plus servi. Je pense que l'espèce de clan qui s'était formé brésilien, là, Otavio, Cafu avec Perea, Malcolm, je pense que ça a pas aidé non plus. Pablo. Bon, voilà, alors est-ce que l'année, j'espère que son année de prêt va bien se passer, puis qu'il reviendra. Ou qu'il sera acheté. Hein. Oh bah, j'espère que s'il fait une très bonne saison, qu'il ne sera pas acheté justement pour faire monter son prix et puis qu'il fasse aussi un petit peu profiter Bordeaux. Ça c'est pour Cafu, on va passer aux déclarations de Thomas Bazic qui était Bazic. Qui a été présenté aussi cet après-midi, on en a parlé tout à l'heure avec Clément, il dit voilà, je sais où j'arrive, je suis vraiment très heureux, je sais que les Girondins sont un club historique et donc je suis très heureux de continuer l'histoire entre le football croate et les Girondins, puisqu'il parlait des frères Vujovic, il a parlé des Croates qui sont passés par le FCGB. Voilà, il dit Bordeaux a fait une offre solide et ferme, c'est le club qui m'a montré le plus d'intérêt, je suis à l'aise partout. À tous les postes du milieu de terrain, Bordeaux a une belle équipe avec des joueurs de grande qualité et moi je suis impatient de les découvrir et de travailler avec eux. Eh bien, écoute Thomas, mon garçon, on te souhaite le meilleur pour la suite. Stéphane Martin qui a déclaré quoi ? Il a déclaré deux choses, toujours sur les transferts. Il a dit qu'on ne peut pas construire une équipe uniquement avec des jeunes. Oui, puisqu'on lui a posé des questions sur le projet du club. Il a dit le projet du club, c'est de prendre de jeunes joueurs à fort potentiel et de s'appuyer sur un centre de formation. Donc c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Cependant, on ne peut pas construire uniquement qu'avec des jeunes. Le plan désormais, c'est de conserver les titulaires actuels, sauf si offre incroyable, et de prendre deux attaquants. Alors, je pense que c'était avant l'arrivée de Brillant. Oui, oui, de toute façon, il a annoncé, il a dit que c'était pas encore fait pour Brillant, voilà. Mais c'est, voilà, il y a Brillant plus un autre. Donc, il va y avoir un autre, sûrement, entre guillemets, titulaire qui devrait arriver. Et Bordeaux vise également un défenseur polyvalent. C'est toujours Stéphane Martin qui le dit en conférence de presse. Ça sent le départ de Bayes. Bah, mais polyvalent dans quel sens? Bah, qui peut jouer à tous les postes, ça veut dire. Et je pense je pense surtout à l'arrière gauche, parce que clairement on peut. Enfin, je ne conçois pas qu'on fasse une saison entière complète 70 matchs avec Maxime Pulgier arrière gauche. Pelnard. Non, mais je pense Pelnard par contre. Sachant que ce week-end ça va être compliqué, sachant qu'on a ni Pelnard ni Pulgier. Mais on voilà. Peut... Donc c'est Levchuk le pauvre qui va devoir encore écoper être arrière gauche. Après Gaïc arrière gauche. Il y a un joueur qui a joué arrière gauche, c'est Paul Bayes déjà. Il a déjà eu un passé de latéral. Sachant que t'as aussi Carrequet, faut pas non plus oublier la formation. Oui. Et Pedro, alors la piste Pedro, bon, elle s'est un petit peu... Elle stagne. Elle était là, puis après elle s'est évanouie, puis elle est revenue, puis là elle s'est un petit peu éloignée. Mais toutefois, alors Fluminense a refusé de donner un montant de transfert précis aux Girondins, espérant que la valeur du joueur augmente au fil des matchs. Et surtout, on apprend que Pedro est... Bah, justement, c'est Clément Carpentier qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, qui dans un tweet nous dit que Pedro est très très intéressé par le projet du club et favorable à un transfert à Bordeaux, mais Fluminense refuse de donner un prix aux dirigeants girondins en espérant que son joueur prenne un peu plus de valeur à chaque match. Maintenant, j'ai envie de dire la stratégie de Fluminense, elle est un peu couillon, parce que alors allons-y, attendons le 31 août. Mais on a qu'à attendre le 31 surtout août. Surtout qu'ils sont en difficulté financière. Ah, évidemment, si tu vois qu'il y a un autre club qui arrive, tu t'alignes. Mais tu vois ce que je veux dire ? Attendons le 31 août et puis ramassons le pactole le 31 août. Parce que l'histoire des 20 millions, déjà, si on ne payera pas 20 millions sur un joueur comme ça, c'est un trop gros risque. Il a fait que 6 mois. Même s'il peut faire une très bonne carrière derrière, 20 millions, c'est au-dessus. Ce sera beaucoup trop. Mais les clubs comme Séville, Valence, Dortmund, eux, petit à petit, vu qu'on parlait de ces clubs-là comme concurrence, et finalement, petit à petit, ils achètent chacun leur tour un joueur de plus. Un joueur, un vrai attaquant à la place de Pedro. Donc, petit à petit, la concurrence va disparaître, vu que eux n'ont pas les moyens d'attendre si Fluminense fait la même chose avec eux. Donc, voilà. Et puis, le Fluminense a eu qu'une seule vraie offre, et c'est celle de Bordeaux à 8,5 millions. Effectivement, donc à voir si Pedro sera le deuxième numéro 9 qu'on attendait. Pour revenir juste aussi sur les sondages qu'on a fait sur Brillant. Hop, là, tout à fait, oui, exactement. Je te dis, moi, Je t'avoue que moi non plus, j'ai pas suivi là sur le coup. Alors, on avait fait deux sondages, on avait fait un sur Facebook, un sur Twitter. Alors, les avis sont complètement différents. C'est aussi là où on voit la différence entre les deux réseaux sociaux. Sur Facebook, alors il y a eu beaucoup d'interactions et beaucoup de personnes qui ont voté. On a mis pour vous Jimmy Brillant, c'est un grand oui ou une blague. 47% vous avez répondu à un grand oui et à 53% une blague, donc c'est assez serré. Alors que sur Twitter, vous avez. Enfin, la question était Jimmy Brillant ou Girondin, c'est un grand oui, un grand non ou une blague. Et vous avez voté un grand oui à 66%. Donc c'est quand même plus net sur Twitter. C'est quand même plus. Alors ça c'est que mon avis à moi, je trouve que c'est quand même plus crédible sur Twitter que sur Facebook, mais bon après voilà, c'est ça. Je comprends pas un mec qui met 100 buts en Ligue 1, on dit c'est une blague. Bon, okay, meilleur d'accord. Buteur de Ligue 1, je sais pas c'est quoi qui fait rire, c'est son âge, c'est son nom, c'est le club d'où il vient, enfin je sais pas. Après faut savoir aussi que c'est quand même un recrutement qui sort un peu du lot, quoi. Enfin, on s'attendait pas à avoir un deuxième attaquant à venir, et tout le monde s'attendait à avoir l'attaquant vedette, ouais, qu'on recherche depuis tant de temps. Et on nous fait arriver Brillant, c'est vrai que je comprends que ça peut faire dégoûter certains. Après, là, on a eu la confirmation qu'il va y avoir un deuxième attaquant. Mais Enzo, les gens, ils croient quoi? Ils croient qu'on va mettre 40 millions sur un attaquant? Oh, bien sûr. On est Bordeaux, les mecs. Un Brillant, ça fait moins rêver qu'un Pedro, par exemple, même si on connaît pas. Ça fait pas rêver. Alors, Enzo, je sais que c'est pas ton. Peut-être t'es représentatif d'une certaine catégorie. J'aimerais, s'il y en a un qui m'a. Tiens, si tu m'entends, qu'il y a un mec qui m'appelle et qui me prouve pas. si le mec me dit qu'il connaît Pedro mieux que Jimmy Briand, franchement, alors faut que le mec soit brésilo-brésilien, qu'il suive tous les matchs du championnat brésilien. Je suis désolé, comment un mec peut te dire que Pedro c'est mieux que Briand? Mais non, mais le problème de Briand. Qu'on m'explique. Le problème de Briand. Briand c'est déjà... mieux que Laborde, demande Rémi sur le chat. C'est pas le même style. Ouais, mais c'est pas le même style. Oui, c'est même comme si tu demandes est-ce que Crivelli c'est pareil que. Mais, que ça là. Mais Briand c'est un joueur, même s'il n'est pas titulaire, dans le groupe, dans la vie de groupe et tout ça, il sera intéressant parce qu'il a l'expérience face à ses attaquants. Les mecs qui disent Pedro c'est mieux que Briand, mais de leur vie ils l'ont jamais vu jouer à part peut-être une pauvre vidéo sur YouTube. Ils viennent te dire que c'est mieux. Appelez-moi et prouvez-le-moi, les mecs. Sortez-moi des arguments. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a fait 3 recrutements en une semaine. Là, on se plaignait en disant on recrute pas et tout ça. Ben, on a fait 3 recrutements en une semaine. Et on peut potentiellement voir 2 ou 3 joueurs jouer dimanche. Pour terminer l'émission et la partie transfert, on a parlé du probable, du départ de Gaëtan Laborde en prêt. Un autre joueur dont on est pas trop certain de l'avenir, c'est Paul Bayce. Alors Paul Bayce, ça fait 2 semaines déjà qu'on devait en parler. On a dû décaler un petit peu à chaque fois, c'est pas grave. Tiens, c'est la demi-heure de jeu, toujours 0-0 entre Marseille et Toulouse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On avait posé une question sur Twitter sur Paul Bayce. C'est ça. Qui était... Alors, sur Twitter, on a posé la question... En Ligue 2, mais un truc de ouf. C'est ça. Au vu de la situation de Paul Bayce, que pensez-vous? Alors, il y a 3 possibilités. Il faut le vendre, on doit le garder ou... tout simplement, mauvais recrutement. Vous avez été 63% à répondre on doit le garder, 25% il faut le vendre et 12% que c'était un mauvais recrutement. Alors, pourquoi le débat Paul Bayce? Parce que, pareil, alors Bayce, même truc que Cafu, et même même sentiment que Cafu, et même pire, puisque Bayce, enfant du club, Il n'est pas revenu au bon moment, en fait. On va rappeler un petit peu le contexte quand même. Il arrive l'an dernier, on est nul, on est minable, on est en dessous de tout. Il arrive en tant que sauveur. Il arrive en tant que sauveur, il fait un bon premier match à 3. Manque de peau derrière, il se prend le chou avec Santini qui lui met un coup de coude, il lui répond carton rouge, expulsion, match perdu 2-0. Il prend 3 matchs. Dans la foulée, Koundé Bayce, explose en 3 matchs. C'est vraiment pas de bol. Et puis derrière, et ça je peux vous le dire de source. Dont j'ai totalement confiance, Gustavo Poyet surtout, ne compte absolument pas sur Paul Bayce. Je veux bien qu'on ne compte pas sur Paul Bayce, mais on compte sur qui? Si tu prêtes Paul Bayce, que Koundé et Pablo se pètent, et ce qui est loin d'être impossible, ou tu vois ce que je veux dire? Tu mets qui? On a je pense personne. Que tu mets le, qui tu mets Levchuk le défenseur ouais, mais il est tout seul. Le défenseur polyvalent, il est pas tout seul. Je vous rappelle qu'il y en a un qui est pas parti en prêt encore, c'est Jovanovic. Il est toujours là, Jovanovic. Mais oui. Ah, je crois qu'on l'avait prêté. Il a plus son numéro et tout ça, mais il est toujours là. Non, mais Paul Bayce, c'est quand même un immense gâchis. C'est un enfant du club. Il a été énorme à Saint-Té. Il a été énorme à Nice. Le mec, il revient. Alors, sachez aussi que de ce que je sais aussi, il a pas l'intention de lâcher l'affaire, Paul Bayce. Il veut absolument. Et il tient à s'imposer à Bordeaux. Et ça, moi, personnellement, je serais très heureux de le voir s'imposer dans son club formateur. Mais la question, c'est un joueur est-ce que ce sera possible tant qu'il y aura Paul Bayce Oui, non, mais moi, de Paul Bayce, j'attends la reprise officielle du club. Il n'y a rien qui ne garantit que Poyet soit encore là dans un mois, les enfants. On part tous du principe que Poyet, il va faire la saison. Mais c'est pareil, alors si vous avez des infos, appelez-moi. Appelez-nous. Mais je suis désolé, Poyet, potentiellement, dans un mois, il dégage. Hein. Donc, oui. Oui, mais il faut clairement ronflant. Tu te fais sortir, ça peut aller vite. Hein. Tu te fais sortir si par la gantoise. Sortir, oui. Tu perds tes 3-4 premiers matchs de championnat. Tu te fais sortir et tu fais pas ça peut aller points vite, sur les 4... Enfin, 2 points par match sur début de saison. Ça peut aller très, très vite. Hein. Mais... Bayce, c'est vrai que d'un côté, tu dis, bon, c'est dommage. Il peut lui arriver la même chose. L'année dernière, c'est lui qui s'est fait expulser. Et c'est les autres qui ont profité de son exclusion. Il peut lui arriver la même cette année. Hein. Une blessure de Pablo. Koundé peut se blesser. Pablo peut qui se blesser. Fragile. Et vous oubliez quelque chose, mais Pablo, c'est pas sûr qu'il reste encore. Hein. Et Pablo a été approché très récemment par Krasnodar. Et on n'est même pas sûr que Pablo reste à Bordeaux. Enzo, tiens, sur Polo. Sur Bayce, c'est un peu le même sentiment que t'as évoqué. Tu vois, c'est les joueurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne. Enfin, c'est les joueurs comme Laborde, Bayce et autres. T'as envie d'y croire parce que c'est des joueurs du cru et t'as envie de te dire, voilà, tu sais, t'as envie d'avoir le fait que des joueurs bordelais puissent jouer dans l'équipe de Bordeaux. Ça, tu vois, c'est la satisfaction que tu aimerais bien avoir, mais c'est clair qu'après, là, quand on voit le début de match, enfin, le début de saison et la saison dernière de Pablo et Koundé, t'as pas envie de changer ça. Mm. Ils sont bons, ils sont bien trouvés, ils sont complémentaires. C'est des joueurs que t'as envie de prêter. C'est ça, et Bayes, tu vois, t'as pas envie de le vendre, mais t'as pas envie forcément de le garder non plus, parce que tu te dis, un mec comme ça, qui a quand même un bon niveau, faut quand même qu'il joue, faut pas le laisser au placard, c'est quand même triste. Mais c'est ça, c'est ça. Mais si tu peux le prêter, je sais pas si c'est un prêt ou un transfert. Ça m'étonnerait que c'est un prêt, il parle de prêt. Vu qu'il y a eu aussi la rumeur en disant, on va résilier son contrat, on va le laisser partir à Caen. Ça me paraît très bizarre, mais à Caen, on le prêterait, oui. Moi, ça me... Et beaucoup, ça gênerait en disant « Oui, encore un prêt, tout ça. » Mais si on le prête, ça me gêne pas, comme Vada, comme Laborde. C'est des joueurs où, sur le moment, là, il faut qu'ils fassent des saisons complètes. Mais à Bordeaux, ils peuvent pas s'imposer dans le groupe. Je vais te dire, moi, ce qui me fait rager, c'est que pour moi, Paul Bayes, c'est l'exemple. C'est pour moi... ça doit être ton Marc Planus, ça doit être ton Christophe Dugarry, ça doit être ton je sais pas qui, ton Lisa, ça doit être ton tous des mecs que je sais pas, moi j'en sais rien, ton Alain Giresse. C'est-à-dire que ça doit être ton gars formé au club qui est allé à Saint-Étienne, machin, il a été bon, il est allé jouer un peu partout, c'est un dalleux, c'est un rageux, il est charismatique, il est bon accessoirement. Et voilà, et il doit avoir le brassard, et ça doit être lui ton capitaine. Plazil, il sera pas éternel. Alors Paul Bayes, c'est plus non plus tout jeune, mais voilà, c'est tu vois ce que je veux dire. Ça doit être lui ton futur taulier dans cette équipe là pour former une épine dorsale avec Costil, lui, Yaro au milieu et peut-être un brillant devant. Tu vois, Capitaine comme ça. Pour l'instant, c'est Yaro qui. Mais Bayes, en fait, la difficulté, c'est de dire il faut le prêter pour qu'il joue. Mais tu le sens qu'au cours de la saison, il y aura un moment où il va avoir un problème. Pablo, il va sûrement avoir un mois où il va se blesser parce que il est fragile et que toutes les saisons, ça a été comme ça. Et on aura besoin de lui. Après, ça dépend. Est-ce qu'on le prête et derrière, on recrute un défenseur polyvalent ou on reçoit en prêt un défenseur polyvalent. Enfin. Déjà, j'aimerais pas être à la place des dirigeants bordelais parce que c'est un dossier très compliqué, beaucoup plus compliqué que les dossiers Vada ou Laborde, qui sont des joueurs du cru et qui ont pas cette expérience derrière. Mais voilà, c'est un dossier très très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Ben c'est compliqué parce que d'un côté tu dis. Il y a Caen qui hésite entre Bayes et Palois, j'ai vu. Ouais. Mais Palois qui s'est fait dégager de Nantes. Mais apparemment ça va mieux. Ah bon? Oui, ils sont expliqués apparemment avec l'entraîneur. Mais c'est un dossier compliqué parce que déjà, tu peux avoir âgé. Des regrets dans tous les choix que tu feras. Tu peux avoir des regrets si tu le prêtes pas et qu'il joue pas. T'auras un regret parce qu'il jouera pas et tout ça. Voilà. Et après, et personne se blesse au cours de la saison. T'auras un regret. Si tu le prêtes et qu'il y a un joueur qui se blesse même un mois, mais t'auras le regret en disant pourquoi on l'a prêté. C'est ça la difficulté, mais aussi d'un côté, peu importe le choix, ça sera, il faut qu'il soit bon pour le joueur. Et pour Bayes, il faut mieux qu'il soit prêté à Caen. La différence, c'est que Bayes, tu prêtes plus facilement un mec comme Vada ou Laborde, tu vois, qui sont assez jeunes et autres, qu'un défenseur central comme Bayes. Et à noter aussi que, en direct, nous avons la première utilisation de la VAR en Ligue 1. Pour une main dans la surface de Toulouse face à Marseille. Pour une main dans la surface de donc penalty pour Toulouse pour Marseille. Logiquement, si l'arbitre voit bien, il y a penalty après à voir. Et à noter encore que Mancini a été très actif avec Auxerre et ils sont. Alors j'allais faire pour terminer sur Paul Bayes quelqu'un sinon on finit sur. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Moi je dis prêt. Seb je sais pas si tu le prêtes. Moi je dis faut attendre un max. Faut attendre fin août, le dernier moment vraiment. Moi, je suis le joueur, je pars pas. Et au pire, je pars en décembre, si vraiment je vois que c'est mort et que voilà. Mais j'attends quand même. J'attends quand même parce que je sais pas. Moi, ça me ferait tellement chier de barrer comme ça en n'ayant pas eu le temps de prouver quoi que ce soit Surtout qu'il est vraiment revenu en tant que sauveur. Il a eu cette image du mec qui revient du club. Il nous sauve à 3. C'était lui qui devait reprendre ta défense et qui l'a fait en partie à 3. Il arrive à 3, on gagne. Enfin voilà, c'est lui qui devait. C'est le mec en plus, on voulait depuis 6 mois, qu'on voulait déjà l'été. Ça fait des mois. Et voilà, premier penalty de la VAR. Et donc, Marseille ouvre le score, c'est ça? Non, on ne sait pas. On ne sait pas encore, on n'est pas, demain, mais en tout 0-0. Cas, enfin, moi, je le garderai. Par contre, à noter que les ultra-marseillais n'ont pas eu le temps cet été de s'acheter une cervelle. Ils sont toujours en train à chaque fois de jeter des trucs sur le terrain et ils empêchent le jeu. Donc, mais bon. Ça fait 40 ans que c'est comme ça. Voilà, ça fait 40 ans que c'est des débiles et je pense que ça ne changera jamais. Putain, il y a un mec qui a pris un KO là, en boxe, genre sur l'équipe, mon pauvre. Mais le gars est par terre, ils sont 6 autour de lui, il n'a pas l'air bien, le pauvre garçon. Donc, avant de se quitter, parce qu'il est 21h30, un petit point. Vite fait, il reste un quart d'heure de jeu sur tous les terrains de Ligue 2. Lens mène désormais 3-0 à Nancy. Le Havre mène toujours 1-0. Auxerre mène 3-0 également. À noter, 70 minutes jouées par Mancini. Le seul joueur qu'on a prêté qui ont joué avec Auxerre. Auxerre qui n'a pas marqué. Béziers mène toujours 1-0. Sochaux mène dorénavant 3-1 à Ajaccio. Niort est mené 1-0 à Grenoble. Châteauroux est toujours mené 1-0 à Valenciennes. Le Paris FC Brest a égalisé par l'intermédiaire de Gaëtan Charbonnier, l'ancien Montpellierain, l'ancien Lensois, face au Paris FC. Et Lorient a pris l'avantage sur le terrain du Gazélec. United mène toujours 1-0 chez lui face à Leicester pour la première journée de Première Ligue. Un but de Paul Pogba à la 3ème minute, on joue la demi-heure. Sinon, j'ai le National, mais à moins qu'on ait des bords de l'équipe. Non, franchement, ça devrait. On s'en fout. Non. Voilà. Enfin, on s'en fout. Et à noter, voilà, pour conclure, Mathieu Saunier qui signe à Lorient, l'ancien... Oui, j'ai vu ça hier, Mathieu Saunier qui signe à Lorient, ouais, et c'est un bien. Zéro pour ainsi Marseille. Que le but des Sardines. Et qui donc a marqué le pénalty? Payet. Dimitri Payet, donc 1-0 pour l'OM à la mi-temps sûrement, parce que ça doit être... Oui, quasiment, oui. Donc le pénalty était justifié, on est d'accord. Oui, c'est ça. Oui. Bien, messieurs, merci à vous. Merci aux gens qui étaient présents sur le chat ce soir. Merci à tous ceux qui n'étaient pas aussi présents sur le chat. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. On remercie évidemment Clément Carpentier de 20 minutes qu'on a eu en début d'émission. On remercie Quentin, notre ami supporter strasbourgeois. Du hawker de RCS. De hawker du RCS, voilà. Je cherchais le truc, je trouvais plus. Marco également, merci. Merci Adrien. Merci Enzo. On se retrouve nous donc lundi soir 20h, 21h30. On va y arriver. On aura des petits jeunes en plus lundi soir normalement en studio. Faudra être gentil avec eux. Ah bon ? Et quand je te dis petits jeunes, c'est vraiment petits jeunes. Du coup, il va falloir calmer Marc. Il va pas falloir. C'est vraiment très très jeune. normalement. Pas faire de blagues. Voilà. Merci aux gens du chat. Merci à Rémi. Merci à Ochoa. Merci à Bobby. Merci à Bobby 2. Merci à Bordelaise. Merci à tous ceux qui étaient là. Enfin, j'ai pas tous les noms. À Cyprien. À voilà. Enfin, merci à vous tous. Et à mon double. Et à ton double, à ton mini-moi virtuel. merci à vous les mecs. On se retrouve donc 20h, 21h30. N'oubliez pas, dimanche 17h, venez tous au stade, il fera beau, il fera chaud. Pour le premier match de la saison face au RC Strasbourg, venez nombreux également jeudi prochain, Venpils, si vous êtes abonné, le match est offert. Si je dis pas Venpils, Mario-Paul. Oui. Il est offert. Il est offert. Voilà, voilà où. Les phrases de fin, Adrien. Eh bien, même avec un jeu basique, on peut être brillant. Ouh oh ça fait une semaine qu'il cherche ça. Alors là, franchement, c'était beau. Franchement, c'était beau. Bravo. Là, je. Bravo. Applaudissements. Franchement, c'était recherché, c'était pas mal. Ah oui, non, je suis d'accord. Monsieur Enzo. Canaille Joe. Oh bah oui, écoute, pourquoi pas. Voilà. Hey Joe, what's up? Bref, c'est une vieille chanson. Ouais, tout le monde connaît ça quand même. Hein? Tout le monde connaît quand même. Qui? Canai Joe. Canai Joe. Non, moi je connais pas. Nanita Canai Joe. Nevermind. Oh là là. C'est oui, c'est le nom de la musique. C'est pas Popcorn, je sais pas quoi. Non, c'est Canai Joe. C'est la musique ça fait Popcorn. Popcorn. Ouais. Il y a un truc de fête. Tout le monde danse dessus. Il faut que je cherche. Oui, mais c'est peut-être pas indispensable. Pas maintenant. Est-ce vraiment nécessaire? Je te le demande. Non. Bien, pour ma part, ça sera comme d'habitude. Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous être fidèles. On se retrouve donc lundi 20h, 21h30. On vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, de passer un bon week-end, un bon match dimanche. Et allez Bordeaux!